couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 14. Aujourd'hui, comme chaque semaine, je procède au rappel traditionnel de cette émission. Si vous souhaitez nous contacter, écrivez-nous à notre adresse email, qui est encore pour l'instant la suivante, dempart@setemplar.com. Je répète, dempart@setemplar.com. Setemplar va bientôt fermer, donc nous allons devoir changer d'adresse. Je vais y revenir. Vous pouvez aussi vous inscrire au forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse eelb.su. Vous allez y retrouver tous les membres du forum qui peuvent commenter les articles d'actualité, soumettre du contenu. Vous allez pouvoir discuter d'informatique, de crypto-monnaie, guide racial des villes. C'est souvent sollicité, hein, ça, sachez-le. Hein. Souvent dans les cas de déménagement d'ailleurs, il y a souvent des gens qui disent « je vais aller dans telle commune, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble ». Et c'est quand même très utile, c'est très, très participatif comme guide, et vraiment, je le recommande. Et voilà, vous pouvez découvrir tout ça sur place, donc rejoignez le forum, consultez-le, n'hésitez pas un instant. Cette semaine, d'ailleurs, on a eu un jeune participant au forum qui demandait quoi faire face à la propagande LGBT qui était affichée dans les couloirs de son établissement scolaire, vous voyez. Donc, et donc, tous les membres du forum ont répondu, évidemment, ou donner leur avis ou leur conseil. Donc voilà, c'est participatif, c'est l'objectif. Avant de remercier nos donateurs, comme chaque semaine, je vais présenter les membres qui participent cette semaine avec de nouveaux membres. Hein, une équipe qui s'étoffe de nouveaux membres, c'est très bien. Mais je vais commencer avec, j'allais dire, le vétéran, l'autorité spirituelle reconnue de l'émission, Vincent. Renoir, bien sûr, qu'on ne présente pas. J'espère que tu vas bien, Vincent. Je vais bien, merci beaucoup. Enfin, c'est le 8 mai, alors c'est un peu un jour particulier. On se souvient de la défaite, mais enfin bon, ça va quand même. Voilà. Sans amertume. Et bonjour, Vincent. À tous et à toutes. Sans amertume, Vincent, sans amertume. Est aussi avec nous cette semaine Sobieski. Bon, salut Sobieski, comment vas-tu, Sobieski? Avec Gandalf, la pêche. Ah bah formidable. Donc parmi les nouveaux, Hydromel, j'adore ton pseudo, Hydromel. Merci Gandalf. Est aussi avec nous cette semaine, Doom, qui fait son entrée dans l'émission. Salut Doom, Doom and Gloom peut-être, je sais pas. Salut Gandalf, merci pour l'invitation et j'espère pouvoir apporter ma petite touche à l'émission. Ah mais j'en suis absolument persuadé. Absolument persuadé. Alors messieurs, avant de commencer l'émission en tant que telle, nous allons remercier nos donateurs. Alors vous savez, chers auditeurs, que vous, si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir l'émission, le site internet, bien évidemment aussi le forum, parce que sans les dons des auditeurs, des lecteurs, des participants, on peut pas fonctionner, c'est aussi simple que ça. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent anonymement. Par crypto-monnaie, on utilise Monero, crypto-monnaie que vous connaissez, je pense, maintenant. donc qui garantit l'anonymat des transactions. C'est très utile en ces temps de répression, puisqu'évidemment, ça empêche l'État de stopper, de suspendre les transactions, comme ça peut être le cas avec PayPal, les plateformes de crowdfunding, Tipeee, j'en passe, et des meilleurs. Vous connaissez ça comme moi, si ce n'est mieux. Donc je remercie tous nos donateurs qui, avec fidélité, nous soutiennent. Je lance aussi un appel si vous connaissez éventuellement des gens qui voudraient soutenir mais qui ne maîtrisent pas l'outil, des gens qui sont très à l'aise financièrement, vous voyez, qui veulent soutenir des initiatives de notre tendance, si vous voulez, mais qui ne savent pas quoi faire, bah vous pouvez les solliciter éventuellement pour peu que vous sachiez les guider dans l'usage des crypto-monnaies. Il y a déjà un donateur comme ça, c'est Monseigneur Mayol de Lupé, qui procède grâce à un ami à lui qui fait les transactions pour lui. Voilà, donc je lance cet appel. Voilà, si vous connaissez des mécènes, vous pouvez peut-être leur présenter démocratie participative, ça serait bienvenu. Alors maintenant, je passe à ceux qui nous ont écrit. Sachez que si vous nous faites un don, nous souhaitons bien évidemment vous remercier. Pour cela, vous pouvez nous envoyer un email en nous signifiant le don, peut-être pour une confirmation, mais aussi pour qu'on vous remercie durant l'émission. Et si c'est le cas, on lit votre message en ligne. Et donc, c'est le cas, on a plusieurs dons cette semaine, puisqu'on n'a pas eu d'émission la semaine précédente. Donc, don numéro 1, c'est Général Antonescu, qu'on connaît, hein, c'est un donateur régulier de l'émission. Je salue le Général, bien sûr. Bonjour DP, voici ma petite participation démocratique saisonnière de 0,53 Monero pour que la liberté d'expression puisse continuer d'exister. Ce qui perturbe, par la même occasion, le sommeil des ennemis de la liberté que sont les Juifs et leurs marionnettes. Merci de me confirmer votre réception et merci à M. Vincent Renoir ainsi qu'à notre cher Cardinal Derrick de venir éclairer davantage avec leur science l'émission. J'apprécie aussi particulièrement l'humour de Derrick car dans ce monde de fous, il paraît qu'on aurait besoin de rire au moins 10 minutes par jour pour être en parfaite santé mentale et le mercredi, personnellement, j'arrive à avoir la norme. Merci à vous et bonne journée. Alors, je confirme, cher Général Antonescu, le don, hein, c'est bien passé. Je passerai le message aussi à Derrick. Et Vincent, il est là, donc peut-être si tu souhaites dire quelque chose, Vincent, je ne sais pas. Je remercie beaucoup cet intervenant pour ce message, pour ce don. Et d'ailleurs, j'en profite pour une petite chose. Je remercie les deux personnes qui m'ont fait un don via Démocratie Participative. C'est très aimable à eux. Merci beaucoup et merci à Démocratie Participative, puisqu'à l'heure actuelle, moi, je ne gagne plus rien. Ces petits dons m'aident à m'organiser. Merci beaucoup et encore une fois, merci à ce participant. Du coup, j'en profite. Donc, quand Vincent fait des vidéos, elles sont diffusées sur le site, bien entendu. On essaye de reporter plutôt vers Gab TV en ce moment, mais tu as ton blog, hein, blog sans concession, donc, dont tu pourras donner l'adresse, et sur lequel, en fait, les gens qui veulent te soutenir, parce que là, tu es dans une phase quand même assez difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, s'ils veulent te soutenir, soit en achetant tes livres, ce qui est probablement la meilleure façon de procéder, ou en te faisant un don, ils doivent passer par le blog sans concession, si je ne m'abuse. Hein. Tu peux peut-être éclairer un peu nos auditeurs sur ce point, peut-être ? Oui, merci encore. Eh bien, pour l'instant, on ne peut pas acheter mes livres, puisque la boutique n'est toujours pas réouverte, puisque je rappelle que nos adversaires nous traquent, et dès que l'on ouvre une boutique avec un système de paiement par carte bancaire, ils préviennent la plateforme de paiement qui nous ferme le service. Nous avons donc essayé les crypto-monnaies, mais notre clientèle étant souvent composée de gens assez âgés, ça n'a pas vraiment fonctionné. Quand envoyer du numéraire dans des enveloppes, très peu de gens le font. C'est-à-dire que pour l'instant, nous essayons de retrouver une plateforme qui soit définitive de paiement par carte bancaire. Normalement, depuis un mois, nous avons trouvé, il faut que les derniers points techniques se mettent, ce qui fait que pour l'instant, la boutique est encore fermée et ça fait des mois et des mois que ça dure. Alors, pour l'heure, ceux qui vont sur le blog, donc c'est blog blogue-sc.com, donc blog-sc.com, il y a une page de dons. On peut faire des dons au blog donc à moi, ce qui me permet de continuer à vivre et donc à produire. C'est pour l'instant, c'est la seule chose. Alors, nous espérons que la boutique va ouvrir très bientôt par le biais d'un système américain qui protège l'anonymat de tout le monde, d'ailleurs, c'est très bien fait. Et en attendant, voilà, on donne ceux qui veulent soutenir Fondez-vous. Voilà, merci beaucoup de m'avoir permis d'expliquer la situation. Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent « Mais pourquoi votre boutique est-elle fermée depuis tant de temps ?» Eh bien voilà, c'est qu'on est pourchassé en permanence, surveillé en permanence par les adversaires. Et dès qu'on bouge le petit doigt, ils font tout pour nous empêcher d'agir. J'aime cette démocratie qui défend la liberté d'expression de tous. C'est toujours intéressant. Don numéro 2, Mélas Autocrator, un mécène. Nos auditeurs le connaissent. Bonjour à toute l'équipe, je vous adresse mon don pour le mois d'avril. Bonne continuation. J'ai plus exactement le montant du don, je crois que c'est entre 0,10 et 0,20. Monero, merci en tout cas à notre ami Mélas pour son soutien régulier. Don numéro 3. Sick Heil, camarade. Ah oui, c'est un Celte au sang pur qui nous écrit. Alors, un Celte au sang pur, je pense que ça fait mention du fait qu'il n'est pas vacciné. Hein. Il nous dit ceci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le retour de Europe Écologie des Brins, donc EELB.su, donc le forum. Ça fait toujours plaisir de pouvoir dire du mal des nègres sur Internet. Oui, on peut dire du bien des gens aussi, vous savez, hein, sur le forum. Je vous ai également envoyé un don de 0,5 Monero pour soutenir la réinformation nationale et socialiste. Je pense que vous avez eu l'info, mais cet emplard a annoncé qu'ils fermeront le 26 mai. J'espère que vous aurez le temps de trouver une nouvelle adresse d'ici là. Je continuerai de vous donner mes shekels les mois prochains, même si je n'envoie pas d'email pour demander confirmation. Merci, Celte au sang pur. Alors oui, nous allons rechercher un système d'email satisfaisant alternatif. On va s'y atteler là, parce qu'effectivement, fin mai, nous n'aurons plus d'adresse en cet emplard. Je regrette personnellement la fermeture de cet emplard. Je pense que bon, en dépit de leurs tentatives, ils n'ont pas réussi à occuper suffisamment, enfin à prendre suffisamment de parts de marché dans un domaine qui est quand même très compétitif, qui est celui de l'email, surtout de l'email chiffré. Donc c'est bien dommage. Elle était située en Islande, où il y a encore une véritable législation qui protège les usagers des services d'email, contrairement à la Suisse, parce qu'il faut savoir ça, les gens ne le savent pas nécessairement, mais en Suisse, vous avez par exemple ProtonMail, il n'y a pas que ProtonMail, hein, il y a d'autres services d'email hein, en Suisse, et ils disent, oui, alors notre contenu est chiffré, c'est protégé, etc. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, en fait, c'est que la loi suisse prévoit que le gouvernement peut faire la demande, donc c'est pas par défaut, mais sur demande des autorités, les services d'email en question sont tenus de conserver, si je ne me trompe pas, le contenu des données, enfin les données, pendant 6 mois. Et s'il y a une demande d'État étranger, par le jeu de la coopération, ils doivent donner toute une série d'informations sur les comptes qui ont ouvert les boîtes d'email. On l'a su puisque, je rappelle ça, je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs s'en souviennent, mais bon, c'est quand même bien de le rappeler. Il y a quelques mois, un groupe d'écologistes radicaux parisiens, donc affiliés à l'extrême gauche, avait organisé un squat, probablement chez quelqu'un qui était assez influent et qui s'en est plaint à l'autorité française. Et donc, par le jeu des connaissances, la police française a sollicité ProtonMail, puisque ce groupe en question avait une adresse ProtonMail. Et il s'avère en fait qu'ils n'avaient pas spécialement pris de précaution à ce niveau-là. Et donc, ce que ProtonMail remet comme information, sur simple demande de la police française, c'est les adresses IP liées au compte, c'est-à-dire quelle adresse IP se connecte au compte. Si jamais il y a un abonnement, les informations de la carte de crédit qui ont ouvert l'abonnement, d'accord. Et puis d'autres informations comme éventuellement les destinataires, donc les adresses e-mail de destinataires, les titres d'e-mail, et puis encore d'autres métadonnées. Voilà. Donc bon, malheureusement, si vous voulez, quand on est dans un environnement de répression politique comme c'est celui, enfin comme celui qui prévaut en France actuellement, eh bien, ben simplement ouvrir une boîte email ProtonMail en tant qu'activiste ou en tant qu'organisation, ben, ça peut suffire en fait à aboutir à des opérations de police et à des gardes à vue, et donc ultérieurement à des procédures judiciaires. Donc vous voyez, c'est quand même assez délicat. Et pourtant, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, officiellement, vous voyez, mais par le jeu des coopérations bilatérales, en fait, c'est pratiquement comme. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas évident de trouver un service email satisfaisant aujourd'hui, parce que soit vous êtes en Europe et de facto, par le jeu des coopérations bilatérales, on peut presque obtenir ce qu'on veut de n'importe quel État européen. Soit vous êtes en Amérique du Nord, et là, en fait, les Américains ne cherchent pas à développer vraiment l'offre cryptée, ou chiffrée, en parlant un bon français. Donc, en fait, vous avez du Gmail, vous avez du Outlook, vous avez du Yahoo, vous avez encore d'autres services, d'accord, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, sauf que c'est pas du tout protégé, quoi. Donc, c'est toujours un peu délicat, donc essayer de trouver un service qui protège réellement ses usagers, pardonnez-moi, c'est toujours un peu difficile. Donc le fait que cet emploi ferme, le fait que ProtonMail soit en fait sous la coupe déjà de l'Union Européenne, ça pose question. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont sûrement dire oui, normalement il existe des trucs, il y a Posteo en Allemagne, mais moi, ou Tutanota, alors Tutanota je peux vous en parler, hein. Tutanota c'est très simple, c'est que dès que vous avez une adresse email Tutanota qui est affiliée à un groupe considéré comme identitaire, nationaliste, de droite nationaliste, etc., il vous ferme l'email immédiatement, sur simple demande d'un plaignant X ou Y. En gros, il suffit que... quelqu'un soit mécontent de vous, il écrit à Tutanota, il dit « Mais écoutez, ils utilisent votre service, ces gens-là, et Tutanota ferme votre adresse email. » Donc, en plus, c'est l'Allemagne. Donc, je vous passe les détails sur la surveillance en Allemagne qui prévaut contre tout ce qui peut avoir un caractère nationaliste. Hein, je passe là-dessus. Donc, c'est pas évident. Je déplore la fermeture de cette ampleur, mais ça s'inscrit d'une manière plus générale dans ce qu'on voit, c'est-à-dire le contrôle de plus en plus étroit de l'Internet en Europe, que ce soit les services d'email, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les noms de domaine qui sont censurés, bon, nous, c'est notre cas, Macron a ouvert, et sa bande, hein, donc c'est la DICRA, donc qui, en fait, c'est les commissaires politiques de la DICRA qui sont carrément maintenant intégrés dans le gouvernement français, et qui ont créé un tribunal. Enfin, la LICRA a son tribunal, quoi, hein, qui a été créé à Nanterre, et qui est spécialisé en fait dans la traque des opposants politiques qui s'écrivent sur Internet. Voilà, donc c'est une unité de justice politique qui a un an, hein, c'est vraiment très récent, hein, et donc ils ont uniquement des spécialistes formés à toutes les questions numériques, etc., uniquement pour traquer les gens. Puis si vous allez sur JVC, ça c'est un autre exemple, enfin jeuxvideo.com, moi je ne fréquente pas spécialement ce forum, mais par exemple, il faut savoir que la modération est contrôlée par la police française. Les modérateurs sont... Enfin, vous avez carrément la police... faut savoir ça, hein, la police française a directement accès à la modération de JVC. Donc, je veux dire, le travail de police politique organisé par les juifs en France est très très large. Donc voilà, donc, malheureusement c'est le climat, on va essayer de faire pour le mieux, essayer d'avoir une adresse email satisfaisante, on touche du bois et on continue. Voilà. Ces rappels faits, on peut maintenant passer à l'émission en tant que telle. Rubrique numéro 1, courrier des lecteurs, donc là ensuite je vais solliciter les participants pour qu'ils donnent leur point de vue naturellement, comme d'habitude. Bonjour à toi Gandalf, à toute l'équipe de démocratie participative et à tous ceux qui nous écoutent. Je vous écoute depuis 2018 et j'ai décidé de vous écrire ce courrier pour vous apporter mon témoignage sur la négrification et l'arabisation des villes issues de la ruralité, donc en France. Pour ma part, j'ai 34 ans et je suis originaire d'Oloron, Sainte-Marie, une petite ville rurale du sud-ouest de la France, proche de la frontière espagnole et de la ville de Pau. Une petite ville de 10 000 habitants. À l'âge de 18 ans, j'ai quitté ma ville natale pour aller faire mes études à Budapest, toute ma famille a déménagé en Espagne, Espagne qui est le pays d'origine de ma famille. À 23 ans, j'ai décroché mon diplôme après mes études et j'ai souhaité rester car j'ai eu la chance de décrocher un emploi très intéressant avec une rémunération substantielle. Les années sont passées, j'ai rencontré une femme, je me suis marié et j'ai eu deux enfants qui ont aujourd'hui 8 et 10 ans. Je parle et écris hongrois sans aucune difficulté et j'ai eu la nationalité hongroise il y a 3 ans. Un jour, le plus grand donc de ses enfants m'a demandé de lui parler de ma ville natale et comment était mon enfance. Je lui raconte alors plusieurs anecdotes et il lui parle aussi de différents lieux de son enfance. Mon fils m'a alors dit qu'il aimerait bien visiter Oloron-Sainte-Marie, oui, la ville natale de son père, donc en France, hein, à la frontière espagnole. Quelques mois plus tard, j'ai proposé à ma femme et à mes deux enfants de partir en vacances à Oloron-Sainte-Marie. À l'approche de la ville, je constate que rien n'a changé. Tant et tant de souvenirs me viennent en tête. On passe alors par le quartier de Sainte-Marie pour rejoindre le jardin public, pour voir le lieu où je m'amusais avec mes amis étant plus jeune. Une fois la voiture garée, je remarque une bande de 5 ou 7 cafres, des noirs, hein, qui déambulaient dans le jardin public. Chose que je n'avais jamais vue auparavant. Ma petite famille est restée interloquée de voir des jeunes macaques en survêtement et casquettes parler à haute voix en langue nègre. Interloqué, je me renseigne sur Internet. J'ai appris avec stupeur que l'ancien maire socialiste d'Oloron-Sainte-Marie, Luc Berry, a fait venir une flopée de migrants de l'autre bout du monde. J'ai également appris qu'en 2017, un migrant d'origine afghane avait poignardé une grand-mère de 79 ans dans la commune. Les médias l'avaient déclaré fragile psychologiquement, l'agresseur. Je ne parle même pas du nombre de gitans, de blédards et de beurettes voilées qui traînent dans les rues. Je me suis arrêté sur le parking du supermarché Netto pour acheter des fruits avec ma famille et soudainement un jeune bico avec une tête de dromadaire s'approche de moi et m'interpelle avec une prononciation de blédard de base. « Ouais frère, t'as pas du feu s'il te plaît, j'ai rien pour ma peau clos, voilà !» Je lui dis alors que je ne fume pas. Soudainement mon fils me demande en hongrois « Papa, tu le connais ?» Le bico me dit alors « Wesh, quel bail, d'où tu viens ma gueule ?» Je lui dis alors que je viens de Hongrie, que je souhaite faire visiter ma ville natale à ma famille. Il me répond alors « Ok, bon bye mon ref, profite bien toi et ton riff. » Suite à cette conversation, j'étais littéralement dépité. Quelques jours plus tard, j'ai souhaité visiter l'école primaire de mon enfance. À la sortie des classes, je vois devant l'école une boukaque aux cheveux frisés avec un accent tout droit sorti de Ouagadougou qui s'exclame Je pourrais pas refaire l'accent, hein, mais « les enfants, faites attention sur la route, il y a les voitures, restez bien ici !» Bon bref, vous imaginez le truc. Je ne parle même pas des élèves que j'ai vus sortir de l'école. Le réchauffement climatique a, semble-t-il, augmenté l'intensité des rayons du soleil dans le coin. Des singes, des bicots, des gitans, en veux-tu, en voilà. Dégoûté, j'ai démarré ma voiture et je suis reparti. Mes vacances m'ont laissé un goût amer. Je savais, via votre émission et les médias alternatifs, que la coloration des milieux ruraux était actée. Mais je ne soupçonnais pas à quel point une si petite ville isolée était aussi atteinte. Moi qui ai l'habitude de vivre dans un pays blanc, conservateur, catholique, où toutes ces valeurs sont inculquées à mes enfants, c'était un véritable choc. Voilà pour mon témoignage. C'était légèrement long, mais je tenais à vous partager mon expérience. Merci de m'avoir lu et longue vie à vous tous, mes amis. Et c'est signé l'exilé de l'Est. Alors messieurs, bon, je résume. Bon, nos auditeurs ont compris de quoi il était question, mais en substance. Donc c'est un Français d'origine espagnole, si j'ai bien compris, hein, qui a grandi à la frontière franco-espagnole, dans la commune précitée, et qui, pour des raisons personnelles, décide d'aller en Hongrie, s'installe en Hongrie, et finalement s'intègre parfaitement en Hongrie, trouve une femme hongroise, voilà, enfin, continue sa vie. Ses enfants lui disent, ses enfants donc, qui sont nés en Hongrie, de mère hongroise, lui disent « Bon bah papa, on aimerait quand même savoir d'où, à quoi ressemble ton village natal en France, dans le sud de la France, ou pas loin de l'Espagne, on aimerait un petit peu en savoir plus. » Il y va, et dans sa tête, c'est un auditeur en plus depuis 2018, donc ils écoutent depuis longtemps, il dit « Voilà, bon moi j'entendais tout ça, bien sûr, mais c'est une chose de l'entendre, hein, de théoriser, et c'est autre chose de l'expérimenter soi-même. » Et donc il retourne dans son village, Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Bah, il voit ce qu'on voit dans énormément de communes maintenant françaises, hein. C'est-à-dire que c'est le tiers-monde. Hein, c'est le tiers-monde, donc soit c'est l'Afrique, alors plus quand on va dans le sud de la France, il y a énormément de gitans, effectivement, c'est Perpignan, tout ça, il y a énormément de gitans, mais même aussi beaucoup de noirs, hein, donc des noirs d'Afrique, des musulmans qui viennent d'Afrique du Nord ou autre, ou des Pakistanais, des Afghans, hein, il y a ça aussi, et voilà, phénomène extrêmement frappant, c'est au plan générationnel, c'est à la sortie des écoles, hein, et c'est ce qui arrive à notre auditeur, qui va voir l'école de son enfance où il n'y avait pas d'halogène et en fait elle est totalement remplacée. Donc il nous dit voilà, j'ai 34 ans aujourd'hui, j'ai quitté la France, j'avais 23 ans, donc faites le calcul, c'était il y a 13 ans, donc il a quitté la France à peu près aux alentours de 2010, donc finalement c'est pas si loin. Et quand il retourne dans sa commune d'origine une grosse décennie plus tard, elle est totalement remplacée. Elle est totalement remplacée. Alors, chers amis, je vais prendre vos réactions face à quelque chose qui a été discuté pour une fois, pour la première fois d'ailleurs, dans une élection. Bon, vous savez ce que je pense d'élections à titre personnel, mais je veux dire, bon, par définition, les élections sont médiatisées et bon, je vais pas faire le reproche à Eric Zemmour d'avoir mis ce thème sur la table, celui du grand remplacement, d'en avoir fait un vrai sujet politique. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on parlait plutôt d'immigration, hein, du temps du Front National et même du Rassemblement National, on parlait d'immigration, mais qui manquait de puissance suggestive, je crois. Le grand remplacement, très clairement, me paraît plus exact, d'ailleurs. Et, ben voilà, en fait, c'est ça, hein, c'est-à-dire que, oui, c'est ça, c'est le grand remplacement dont il a été tellement question durant cette campagne présidentielle, sa réalité concrète, c'est exactement ce que vient de nous dire notre auditeur. Alors, je veux maintenant solliciter tous nos participants, leur donner enfin la parole. Qui veut réagir à ce qu'a dit notre auditeur, soit réagir vraiment à ce qu'il a dit au contenu, quoi, soit sur le secteur en question, si vous le connaissez ou pas, ou alors plus généralement, sur le processus en lui-même, qu'on décrit souvent, mais bon, là, il y a quand même du relief, puisque c'est un expatrié qui revient en France, donc qui se prend finalement le gap spatio-temporel dans les dents après son absence. Qu'est-ce que vous voulez en dire ? Qui veut commencer ? Qui voudrait prendre la parole ? Moi, je veux bien me lancer. donc, par rapport au témoignage qu'on vient d'avoir, je peux mettre en miroir avec ce que j'ai vécu moi, puisque je suis issu d'une ville, on va dire, d'à peu près de la même échelle. Aussi dans le sud. J'ai pas forcément été témoin de toutes les évolutions qui ont eu lieu, parce que je suis quand même assez jeune et je suis parti assez tôt quand même de cette ville-là. C'est plus mes parents qui sont restés sur place, qui ont pu, par leur témoignage, un petit peu me mettre au courant, on va dire, de comment ça a évolué. C'était des petits villages assez tranquilles, on va dire, entre 5000 et 10 000 habitants. Au fur et à mesure, les villes qui commençaient à grossir et recevoir beaucoup de personnes issues de l'immigration devenir un peu surchargées et manquer de logement. Ces gens-là ont été généralement évacués vers des petites villes. Donc ça a commencé avec les villes de, on va dire, 20 000 habitants qui ont été, utilisé les termes, grands remplacés. Et au fur et à mesure, ces villes-là, pareil, ont été surchargées et ça atterrit dans les plus petits villages, qui eux-mêmes se retrouvent grands remplacés, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde qui débarque. Et au fur et à mesure, moi c'était, on va dire, au début des années 2000, mes parents ont essayé de faire en sorte de me sortir de des écoles locales, parce que ça commençait à devenir n'importe quoi, il y avait de la violence, c'était des vols, pas vraiment des insultes au début, parce que c'était encore petite école, donc c'était assez tranquille. Mais au fur et à mesure, ouais, il y a un collège qui s'est créé, il y a eu des centres de police pour des trafics de drogue. Au fur et à mesure, les gens, de plus en plus marron au niveau de la clientèle de mon père, parce qu'il avait pignon sur rue là-bas, et ça a continué de carrément si là avec l'arrivée des gitans, de plus en plus d'arabes et de noirs. Maintenant il y a des trafics, ils ont été obligés de rajouter une gendarmerie dans le secteur pour justement essayer d'endiguer tout ça et de limiter un petit peu la casse, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, je pense que c'est la ville qui nous a décrit dans son témoignage, c'est un exemple typique en gros de ce qui se passe J'espère pas partout en France, mais en tout cas, dans le sud, c'est un fait, quoi. Quelqu'un d'autre là, a une réaction ? Oui, je veux bien essayer d'intervenir. Alors, déjà, je compatis à sa souffrance parce que pour ce jeune homme, ce jeune papa d'ailleurs, ça ne doit pas être évident de retourner 10 ans sur la terre de ses ancêtres et de voir que finalement ils ont disparu au profit d'étrangers massivement. Bon, après, il a quand même eu cette chance, c'est que ses enfants ont été épargnés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris les us et coutumes de ses remplaçants. Donc ça, c'est moindre mal, on va dire. Mais je dirais que c'est vrai que c'est à mettre en perspective avec l'élection présidentielle, c'est-à-dire que dans le Sud, le processus, je pense, il est encore plus avancé que dans le Nord. Et vous avez dans le Nord, notamment le Nord-Ouest, beaucoup de campagnes qui sont encore pas mal blanches. Et ces gens-là ne se rendent pas compte que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, eh ben, ils seront rendus au même stade que dans le Sud. Sauf que aux prochaines élections, le basculement démographique aura eu lieu et qu'il sera dorénavant impossible qu'un candidat, disons, identitaire puisse prendre le dessus lors d'une élection. Donc, c'est une tragédie. C'est tragique. Quelqu'un d'autre Oui. En fait, je ferai remarquer une chose, c'est que le Sud-Ouest est particulièrement touché, beaucoup plus que le Sud-Est. Parce que le Sud-Est, c'est atteint, mais c'est pas aux proportions du Sud-Ouest. Le Sud-Ouest, ils se sont vraiment pris tout sur les 7 dernières années, à cause en fait du fait que c'est un espace où les socialistes et les communistes ont le champ libre. Ils font ce qu'ils veulent. Et donc... ils n'ont peut-être pas réussi à imposer la dictature du prolétariat, mais par contre, ils ont réussi à imposer l'immigration de masse. Et moi, je sais que j'ai été choqué il y a peut-être 6 ans de cela. Ouais, c'était en 2016, quand il y avait encore le début des grosses migrations. Et j'avais été choqué dans un de mes voyages du côté d'Arcachon de voir... des masses de Pakistanais et d'Africains. Alors que, je me souviens, quand j'étais tout petit, ça n'existait pas. Je veux dire, le truc le plus exotique qu'on pouvait trouver, c'était un Algérien. Et c'est tout, quoi. Mais là, les villes qui sont... Les villes socialistes et communistes sont particulièrement touchées. Et c'est pour... Mais... C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un vote Front National qui a été assez important, mine de rien, dans la région de l'Ouest, du côté de Bordeaux, etc. Parce que, voilà, pareil, Bordeaux, il faut voir l'état de la ville en 5 ans. Mais donc, du coup, là, les prochains, c'est les régions du Nord socialistes. Du style les Bretons, eux, ils vont prendre cher d'ici peu. Hein. Ça commence, mais ça va être encore pire. Il y a déjà eu quelque chose à Rennes dernièrement. Il y a eu une marche blanche pour une, je crois que c'est une Africaine qui a été violentée. Bref, on fait des marches blanches pour les crimes des étrangers. Ouais. Alors Rennes, c'est carré. Alors bon, là, ce que décrit notre ami exilé de l'Est, c'est le cas typique d'une ville de 10 000 habitants. C'est-à-dire d'une ville d'une certaine taille, mais quand même, on va dire, d'un petit braquet comparativement à des villes de 50 000 habitants, pour ne pas parler de celles qui sont au-dessus. Et effectivement, en fait, quand on voit, on va dire, la pénétration dans la profondeur du territoire, même dans l'arrière-pays français, de l'immigration du tiers-monde, qui est évidemment pilotée par l'État central, c'est-à-dire par Paris, C'est vraiment frappant. Et c'est le fruit d'une politique. C'est ce que Valls avait appelé une politique de peuplement. Vous vous rappelez de sa formule, une politique de peuplement dans laquelle on disait, en gros, ils disent pas ça comme ça, mais en gros, on désengorge Paris, mais qui n'a jamais fini de s'engorger, en fait, parce que les flux n'arrêtent jamais. Donc, en fait, Paris n'est jamais désengorgé. Mais quand vous entendez dans les médias dire « Ah, on a démantelé un squat », parce qu'il y a toujours plus ou moins un abcès de pu qui finit par se former ici ou là, ça peut être à Paris, mais vous vous rappelez du temps de cet énorme camp à ciel ouvert, il y avait peut-être pratiquement 10 000 personnes là, dans le nord de la France, ça s'appelait la jungle, si vous en souvenez. Quand ils avaient démantelé ça, ils disaient « On démantèle le camp ». Et vous savez, pour beaucoup de Français, qui sont naïfs, je veux dire, quand on leur dit « Le camp a été démantelé », ils se disent « On a supprimé le camp et les étrangers, on les a renvoyés dans leur pays ». Mais ce n'est pas tout ce qui se passe. C'est qu'en fait, on supprime le camp et on crée 100 camps. C'est-à-dire qu'on prend les 10 000, on les coupe en paquets de 100, enfin, on fait 100 paquets avec les 10 000, et on va les diffuser à droite à gauche. Moi, c'est ce que j'avais vu en 2016, c'est ce qu'on avait vu se produire. C'est-à-dire que la jungle avait été démantelée et on les avait disséminés. Mais il faut bien comprendre qu'ils ne font pas ça qu'avec la jungle. Ils font ça avec toute l'immigration. Et donc, la tâche des assistantes sociales, de tout ce système social, financé d'ailleurs, on ne sait pas comment, parce que... bon, je ne vais pas refaire la campagne électorale parce que ce n'est pas l'objet. Enfin, quand Macron dit « Oui, j'assume les 600 milliards d'endettement », en fait, c'est plus, hein, quand vous ajoutez les intérêts, etc. Bon, en réalité, ça serait beaucoup plus proche de 1000 milliards, mais on verra bien. Enfin, bon, 600 milliards, c'est énorme. Et il dit ça comme ça, il dit « Oui, moi, j'ai rajouté 600 milliards à la note, voilà. Ben, » oui, mais ça passe là-dedans. C'est-à-dire que placer le tiers-monde dans l'arrière-pays à ne rien faire, parce que ces gens, il ne faut pas rêver, je veux dire, ils arrivent généralement, ils ont, c'est souvent des hommes d'ailleurs, après par le jeu du regroupement familial, bon, c'est comme ça marche, hein, je veux dire, ils font venir leur cousins, leurs cousines, tout ça, mais ils arrivent là, bon, ils n'ont pas un métier en main, ils ne savent rien faire, quelques-uns vont zoner dans des trucs professionnels parce qu'on les met dans des dispositifs sociaux, ça donne du boulot à des formateurs, ça donne de la main-d'œuvre pas chère à quelques entreprises qui sont en fait, cul et chemise avec les politiques du coin, parce que c'est ça, hein, en gros, faut pas s'imaginer que c'est de la charité tout ça, hein. C'est vraiment de la magouille, mais ça dure pas, donc on leste toujours plus le pays, et ça va mal finir, quoi, c'est sûr, hein, c'est sûr. Enfin bon, tout ça pour vous dire que, alors à Rennes c'est un peu différent, parce que c'est des grandes villes, et à Rennes... comment dire, là l'électorat plébiscite, hein, c'est ce qu'on a vu avec l'élection de Macron, d'accord, donc c'est les bobos, ce qu'on appelle les bobos ils veulent ça, et pourtant quand vous allez à Rennes, quand vous allez à Nantes, c'est des coupes-gorges. Nantes c'est vraiment un coupe-gorge, hein. C'est devenu sous Johanna Roland la deuxième ville la plus criminogène d'Europe. Nantes, c'est pas Marseille, hein. C'est Nantes. À Nantes vous avez des fusillades à la AK-47 en plein jour. C'est désespérément... Je ne vais pas dire que ça se passe tous les jours. Enfin, régulièrement, vous avez des fusillades à la AK-47. Vous avez des viols en pleine rue, à Nantes. Une ville, je pense qu'un certain nombre d'auditeurs connaissent, une ville qui était paisible il y a encore 20 ou 25 ans. Extrêmement paisible. Relativement blanche, encore à l'époque. Aujourd'hui, vous allez à Nantes, vous ne reconnaissez pas la ville. Vous ne la reconnaissez pas. Si vous l'avez connu entre 2000 et 2005, moi, la dernière fois que j'avais mis les pieds, c'était en 2013, donc c'est il y a 10 ans. Et quand j'avais mis les pieds il y a 10 ans là-bas, je la reconnaissais même plus, alors que je la connaissais de 8 ans auparavant, c'est-à-dire 2003 à peu près. 2003, 2004, 2005, voilà. Donc, en 10 ans, le travail avait été fait sur Nantes, c'est-à-dire que tous les commerces du centre-ville, j'insiste, du centre-ville, ont été rachetés par tout ce que vous pouvez imaginer du tiers-monde. C'est vraiment des souks, hein. C'est vraiment des souks. Vous avez la musique du bled à bloc qui débarque, enfin, qui déborde dans les rues. Vous avez des mendiants partout. Vous avez des noirs hébétés, drogués, qui déambulent, vous ne savez pas trop pourquoi. Tous les boui-boui qui sont tenus par des Kurdes, ou des Turcs servent à blanchir le fric de la drogue. Donc vous voyez les gars, ils bossent pas derrière leur comptoir. Vous les voyez, ils sont là, ils tiennent le mur, ils font rien. Ils s'en foutent en fait du nombre de clients, ils s'en foutent. C'est des vitrines, c'est juste pour blanchir le fric. Tout le monde le sait, les flics français le savent, la préfecture le sait, la mer, personne ne fait rien. Hein. Les mêmes qui vont harceler les autres parce que je sais pas quoi, pour une voiture mal garée, etc. Enfin, vous connaissez. Donc, c'est une transformation générale qui a lieu dans les grandes villes, dans les villes moyennes et aussi dans les villages. Dans les villages, ça va très vite. J'ai un exemple en tête, je ne vais pas le donner, mais c'est un village de ma région d'origine, c'est en cours actuellement. C'est un tout petit village, hein. C'est quelques centaines d'habitants. Et alors, vous avez des juifs, des millionnaires juifs, c'est pas une blague, hein. C'est des millionnaires juifs qui se lancent dans le business du migrant. C'est-à-dire qu'ils ont créé une espèce d'association pseudo-caritative, mais en fait, vous avez des retours. En créant une association à caractère caritatif, vous pouvez comme ça défiscaliser à bloc. Vous voyez ? Donc en fait, ils ont un business de défiscalisation dans le migrant. Et alors, ils vont voir les clowns sur place, vraiment les paysans, quoi. Hein. Ils vont voir les paysans dans un petit village, hein, quelques années, et ils leur disent « Mais vous avez gagné au loto. Vous avez vraiment gagné au loto. » Et les juifs, ils viennent. Hein. Ils viennent directement et ils parlent à la population. Ils organisent une réunion publique avec le maire, de gauche, hein, bien sûr, comme de juste, et ils disent « C'est extraordinaire, on va faire venir des migrants, ils vont redynamiser la commune, on va investir dans le bâti, etc. » Donc, ils racontent leur truc et tout. Là, ils sont juste là pour faire du fric. Mais imaginez concrètement ce qui va se passer pour cette commune de quelques centaines d'habitants, parce que dans le projet de ces juifs-là, j'insiste, juifs, c'est pas au figuré, ce sont de véritables millionnaires juifs, hein, ils se cachent pas. Hein. Eh bien, il doit faire venir, je crois, plus d'une centaine de migrants, pour commencer. Et c'est très clairement expliqué que c'est pour repeupler les villages en voie de désertification d'Ixit. Donc, ils sont gagnants, les juifs en question sont gagnants parce qu'ils vont défiscaliser. Ils ont fait venir, durant leur réunion publique, ils ont fait venir des maraîchers locaux auxquels ils ont expliqué qu'ils allaient leur filer de la main-d'œuvre à pas cher, probablement en noir le plus souvent, rien n'est déclaré. Et durant tout leur petit périple dans la commune, ils étaient protégés par la gendarmerie. Ça, c'est révélateur. C'est-à-dire qu'ils avaient, la gendarmerie de Guingamp. Ça s'invente pas, hein, surtout pour l'émission. La gendarmerie de Guingamp, qui encadrait ces millionnaires juifs durant tout leur petit périple avec les élus politiques. Et ce qu'ils avaient fait venir aussi, c'était les assistances sociales de ceci, de cela, les associations qui sont subventionnées par l'État, etc. Ouais, pour repeupler le village. Et la population n'a pas son mot à dire. Il n'y a pas eu de consultation populaire hein, là-dessus. Hein. Et le maire n'a même pas fait campagne là-dessus. Il ne s'est pas représenté la dernière fois en élection. Je ne sais plus quand c'est une élection municipale 2020-2021. Ma mémoire me fait défaut, mais il a pas fait campagne là-dessus. C'est juste que voilà, il s'est mis en cheville avec les millionnaires juifs et ils ont mis ça devant la population, le fait accompli. À charge pour la population de composer avec les nouveaux venus. Donc qui vont venir je ne sais où, hein, d'Afrique, du Pakistan, je ne sais. Hein. Voilà. Donc c'est un effort conscient. Et l'État français et la préfecture, en l'occurrence des Côtes d'Armor, sait qu'il peut y avoir des réactions extrêmement hostiles. Parce que sinon, on ne déploie pas la gendarmerie pour encadrer les mecs en question. Ouais. Donc les types, ils arrivent, vous voyez, ils mettent un doigt de pied dans l'eau, ils prennent la température, ils voient s'il y a des réactions hostiles ou pas. S'ils voient que ça rentre comme dans du beurre, alors ils déversent. Voilà. Donc c'est un processus qui fait des gagnants. Il y a des perdants, c'est les autochtones, mais il y a des gagnants. Et les gagnants, c'est les politiques, c'est les associations subventionnées qui sont payées par tête de migrants. À chaque fois qu'il y a un migrant qui rentre, il touche un billet. Et je ne parle même pas de la corruption avec les maires, etc. Donc c'est stupéfiant ce qui est en train de se passer, vous voyez. Et malheureusement, les gens ne font confiance qu'aux élections pour changer les choses. Mais et là, c'est ce qu'a dit justement. Je ne sais plus quel intervenant, alors si c'est peut-être Sobieski qui a dit ça. Mais dans le sud de la France, bah, c'est typiquement Delga. Hein, on l'a vu là, hurler là, partout là, récemment. Elle est à la tête de la région Occitanie. C'est tout à fait cette gauche socialiste méridionale là, négrificatrice, hein, qui donne le là. Et alors eux, ils savent que quand ils font rentrer ça, ils font rentrer des électeurs. Ils le savent. Ils le savent. Vous voyez ? Et voilà. Et alors, bon, dans ma région d'origine, c'est absolument flagrant, hein, parce que toutes les communes qui sont tenues par ces gens-là, elles sont repeuplées à la vitesse de l'éclair. Je vous donne un exemple et j'en termine. Saint-Nazaire, donc ville socialo-communiste, s'il en est. Donc Saint-Nazaire. Alors là, c'est clair. La demande de logement social. 72% des listes d'attente pour le logement social, donc il y a des milliers de personnes en attente pour le logement social sur Saint-Nazaire, vous en avez 72% qui sont des migrants récemment arrivés en France depuis le tiers-monde. 72% en attente. Vous voyez ? D'accord ? Donc c'est des gens, ils sont même pas censés avoir de droits. Mais ils passent devant les Français. Ils passent devant les Français. Parce que l'État veut qui passe devant les Français. D'accord. Donc c'est, moi je sais pas comment appeler ça. Je veux dire, si c'est pas du grand remplaçant, c'est quoi, vous voyez? Bon, voilà. Voilà. Je vous rends la parole. J'ai été très long, mais bon, voilà. On le voit partout, quoi. Je veux dire, on le voit à la frontière franco-espagnole, on le voit à Saint-Nazaire, puisque je donnais ce cas-là. On le voit dans des petits villages. Bon, on a tous évidemment des exemples à donner, mais je crois que le plus spectaculaire, c'est la rapidité du phénomène. C'est ça le plus spectaculaire. En tout cas, j'espère qu'ils ont rapporté des images en Hongrie. Comme ça, ça fera cogiter un peu les jeunes Hongrois et en fait tous les Hongrois. Bah, en Hongrie, ils ont l'air assez quand même red-pillés, comme on dit. Ils ont l'air assez... Mais... Je suis d'accord, mais il n'y en a jamais assez. Et puis, c'est toujours mieux, tu vois, quand c'est un particulier, quand c'est ton voisin, parce que les médias, tout le monde peut se dire que... Mais quand c'est ton voisin qui revient et qui ramène des images, c'est encore plus, je pense. Hein. Ah oui, ça, c'est certain. Mais même pour lui, hein, c'est ce qu'il nous dit notre auditeur. C'est-à-dire, en fait, bon, je vous entendais parler de l'immigration, de remplacement, je le savais, j'étais d'accord. Enfin, quand je l'ai vu, moi, dans mon village natal, ça m'a fait quelque chose. Vous voyez, c'est toujours pareil, quoi. C'est quand ça vous tombe sur les pompes, tout d'un coup, il y a un choc psychologique qui sans équivalent, quoi. Hein. Oui, je voulais ajouter aussi qu'il y a un côté pernicieux à ce repeuplement des zones à faible densité. C'est que ces zones rurales, la densité de population est très faible en comparaison aux villes. C'est-à-dire que ça va aller très vite. C'est-à-dire qu'un village de 100 habitants, il n'y a pas besoin de milliers et des milliers de migrants pour le remplacer. Et avec les histoires de Covid et de confinement qu'on a vécu, il y a beaucoup d'habitants des grandes villes, qui sont pas majoritairement blancs, comme chacun sait, qui vont également venir dans les zones rurales. Ce qui va encore accélérer le processus, comme si le processus était en phase terminale. Ah oui, c'est une façon de voir la chose, effectivement. Après, il faut quand même noter la chose, c'est que là où il y a le plus de remplacements au niveau rural, c'est dans le rural près des très grandes villes. C'est rarement dans des endroits comme la Nièvre. La Nièvre, le sol est négatif et les boucaques n'y vont pas, quoi. Attention, par exemple, dans les villes, si. Hein. Je dis dans les villes, hein. Je dis pas dans les villages de la Nièvre. Hein. Mais je crois que justement, même dans la ville, ça a du mal. Hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent à en emmener, mais ça... Ça a vraiment du mal, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile de remplacer quand on est proche d'une grande ville, quand on est dans une zone qui a de l'argent, en fait, tout simplement. Parce que quand votre région n'a pas l'argent, On a beau faire tous les efforts du monde, c'est impossible d'en ramener, quoi. Je veux dire, parce qu'il fallait nourrir ces bestioles. Hein. Oui, nourrir, c'est certain. J'ai entendu parler d'exemples en Lozère, c'était assez catastrophique dans certains endroits. Et pourtant, la Lozère, c'est un peu loin de tout. Vas-y, tu peux développer, ouais. Ça dépend des zones, quoi. Ça m'intéresse, ouais. Qu'est-ce qui se passe en Lozère? Bah, j'ai pas vraiment d'exemple concret parce que j'ai plus de souvenirs sur l'endroit dont on m'avait parlé, mais j'ai un collègue qui avait fait un détour par là-bas pour aller voir de la famille, je crois. Et il s'était retrouvé dans des situations qu'on aurait pu retrouver dans une ville où, par exemple, il y a des dealers qui font une poursuite en pleine race campagne, quoi. Et c'est des dealers qui sont pas. Bah, c'est pas des loups, quoi. C'est... Mais ouais, malheureusement, j'ai plus d'exemple en tête. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas envie de dire une bêtise, quoi. Bah, moi, j'ai des exemples comme ça, hein, des gens qui m'ont écrit en me disant. Là, c'était le sud de la France, c'était des villages, hein. Je pourrais pas vous donner la taille, mais enfin, c'est des communes d'une taille modeste. Hein. On est sur quelques milliers d'habitants, même pas sur 10 000. Hein. C'est plus 3, 4, même pas 3 000 habitants, 2 000 habitants. Et, je me souviens d'une femme comme ça qui m'a expliqué qu'elle avait dû. Alors, c'était pendant le ramadan. C'est pendant le ramadan, et vous connaissez le ramadan. Donc les Arabes deviennent. Malheureusement. Oui, bah, par la force des choses. D'ailleurs, BFM TV se. France 2, enfin il y a la nuit du Ramadan, enfin vous voilà, de toute façon si ça vous plaît pas, on vous en met quand même du Ramadan. Puis quand vous allez au supermarché, on vous en met aussi du Ramadan. C'est là que vous mesurez le remplacement de population qui n'existe pas bien sûr. Et alors bon pendant le Ramadan en fait les Arabes deviennent fous, enfin plus fous que d'habitude je veux dire. Pour une raison simple, c'est qu'ils bouffent pas pendant la journée, enfin plus ou moins quoi. Mais par contre ils baffrent comme pas possible le soir et ils bouffent des pâtisseries hyper grasses, enfin, c'est des trucs. Et en fait ils bon, 4 semaines de ce régime-là, les gars, ils sont nerveusement complètement à vif, quoi. Et alors, dans ce village-là, pendant le ramadan, c'était ce qu'on appelle, bah, c'est le ramdam. Vous connaissez cette expression, le ramdam? Bah, le ramdam, c'est le ramadan, en fait, c'est ce que ça veut dire. Quand vous dites c'est le ramdam quelque part, ça veut dire que c'est le bordel, en fait. Bah, c'est ça, ça vient de là. Et alors, en pleine nuit du ramadan, enfin, il y avait un bordel pas possible, c'était les jeunes arabes, les jeunes maghrébins, je présume maghrébins, qui étaient en train de hurler dans la rue, quoi. Et alors le mari se levait très tôt pour aller travailler le lendemain. Probablement contrairement à la population susnommée. Et alors, il y avait, comment dirais-je, cette femme qui a dit, qui a ouvert sa fenêtre, et qui a dit, bon écoutez, ça commence à bien faire, là votre bordel, il est temps que ça se termine. Il n'y a pas eu d'insulte raciale ou quoi. Hein. C'est juste qu'elle en avait marre et elle a ouvert sa fenêtre, elle a gueulé. Bon. Ce qui s'est passé, c'est qu'en moins d'une demi-heure, elle a eu un attroupement de bicots complètement hors de contrôle au pied de sa baraque. Et ils ont tous essayé de rentrer dans la baraque et ça pour les lyncher. Et ça n'a pas arrêté. Donc ils ont été obligés de fuir le village. Ils sont obligés de fuir le village. Obligé de fuir. C'est insupportable, vous n'avez pas idée. Alors, cette personne-là m'avait raconté cette histoire qui m'avait beaucoup marqué. Et c'était un moment où... Enfin, il y avait une autre histoire, bon, je passe là-dessus, mais c'était quelque chose de très proche, ça se passait dans la région de Perpignan, où là, c'était un jeune couple dont la femme était d'ailleurs assez sévèrement handicapée. C'était pas évident. Et lui était récemment au chômage, donc ils n'avaient vraiment pas de chance pour le coup. La femme avait fait une maladie grave, mais pas une maladie mortelle, mais enfin une maladie grave extrêmement handicapante. Ils avaient un jeune gamin, et lui venait de tomber au chômage, il travaillait dans... je crois qu'il était plâtrier ou quelque chose comme ça. Et alors il vivait pas à Perpignan même, mais dans un bled pas loin de Perpignan. Et vous savez, il y a un maximum de gitans, etc., mais il y a aussi beaucoup d'arabes, enfin de maghrébins. Et alors, ce gars-là, il se trouvait qu'il était, me semble-t-il, sympathisant Front National, enfin Rassemblement National, et alors, je pense qu'il donnait un coup de main aux équipes du Rassemblement National. Je vous dis ça il y a 4 ans en arrière, quoi. Et il avait laissé traîner, ça c'est une erreur, hein, mais il avait laissé traîner ses affiches RN sur la banquette arrière de son véhicule. Alors évidemment, il y a un bico voisin qui est passé, il en a fait une jaunisse, quoi, le bico. Et alors, l'imam s'en est mêlé. Il y avait un imam dans le secteur. L'imam a appelé quasiment au djihad. J'exagère à peine. Il a dit, voilà, putain, il y a eu une nuée de maghrébins qui se sont massés devant leur domicile. Ils ont essayé par la force de pénétrer dans le domicile pour lyncher le couple en question. Ils ont dû fuir. Je crois que la gendarmerie... je sais plus comment ça s'est passé, mais la gendarmerie a mis plus d'une heure à arriver. Et alors la gendarmerie leur a dit, bah écoutez, nous on n'a qu'une chose à vous dire, il faut que vous déménagiez très vite. C'est ça aujourd'hui le pouvoir de la gendarmerie française. Enfin, sauf contre les nationalistes. Là, la gendarmerie a beaucoup plus de jus. Mais la gendarmerie, ils ont complètement démissionné. Les flics ont complètement démissionné. Gendarmes, police, ce que vous voulez. Ils ont complètement abandonné l'idée de tenir tête à tous ces gens-là. Donc, l'imam a dit, celui-là, c'est un koufar, c'est un infidèle, celui-là, il ne peut plus vivre ici. Toute la bande s'est mise en mouvement, et ils ont échappé de peu au lynchage, et ce jeune père de famille s'est retrouvé à dormir d'une maison à l'autre, d'amis qui acceptaient pendant des semaines, avant qu'il soit finalement aidé. D'ailleurs, je le dis en toute honnêteté, parce que bon, j'ai pas de sympathie pour la personne, mais c'est autre chose, c'est Louis Alliot qui l'a dépêtré de son truc, qui a réussi à lui trouver un logement vacant quelque part ailleurs dans la région de Perpignan, quoi. Mais c'était des cas de lynchage racial. C'était clairement racial. C'est racial et religieux, si vous savez, les deux. C'est-à-dire c'est lyncher du gouer et châtier de l'infidèle, quoi. Voilà. La presse voit rien, ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent, quoi. Voilà. La presse, vous savez par quoi c'est tenu dans ce département-là ? C'est toute la franc-maçonnerie. Toute la franc-maçonnerie socialiste. C'est ça, la presse. L'indépendant, c'est le titre principal de ce secteur. L'indépendant, il n'est pas du tout indépendant, il est complètement dépendant du temple maçonnique. Vous voyez ? J'allais te dire, tout comme les politiques et une partie de l'oligarchie locale, c'est pas nouveau là-dessus, hein. On est d'accord. Pas du tout nouveau. Donc, si vous voulez, on a ces... Donc, c'est très avancé, hein, dans le département de la région de Perpignan. C'est très très avancé. On a une espèce, c'est vrai, une espèce de truc bizarre où vous avez une ruralité maghrébo-gitane. Vous voyez, vous avez des bleds, c'est vraiment des petits bleds. C'est des gitans. C'est des gitans et des maghrébins. Parfois, c'est difficile à distinguer, d'ailleurs, entre nous, soit dit. Hein. C'est pas facile nécessairement de faire la différence. Hein, mais bon. Donc, le repeuplement, il a lieu, il avance. Hein. Voilà. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus. Moi, ouais, peut-être un dernier petit truc à propos, justement, du sud-ouest et du sud, en fait, grosso modo... ce qu'on appelait la Narbonnaise, en fait, c'est que ce qui est embêtant et qui n'aide pas forcément toujours à se rendre bien compte du degré de remplacement, c'est qu'il y a toujours eu des villages, si je puis dire, des espèces de grands villages ghettos, bon, si vous voulez, parce que vous savez bien qu'il y a eu par le passé des invasions et... cohabitation entre certains nord-africains et des Européens. Donc, il y a toujours eu des villages un peu particuliers où on sait qu'en fait, c'est là où on les fourgue, en fait, pour qu'ils restent loin de tout le monde. Et ça marchait très bien sous l'ancien régime, sous la féodalité chrétienne, sauf que avec le régime républicain, vous dites bien, ils ont commencé à casser le truc et il y a eu ces mouvements de population au sein des villes normales, enfin des villes européennes en fait, et ça fait que du coup, les gens du sud pas toujours bien compte en fait du degré de remplacement. il faut qu'il y ait vraiment des arrivages de Noirs et de Pakistanais pour que là, ils se rendent bien compte. Voilà, c'est juste ça que je voulais clarifier, parce qu'on a tendance à être un peu caricatural sur le Sud, alors que c'est toujours un peu plus compliqué. Je veux dire par là qu'on nous ressort souvent que le Sud, c'est peuplé que de Blancs, ou c'est peuplé que de Métèques. C'est plus compliqué, hein, évidemment. C'est dommage que Derek soit pas là. Il aime beaucoup parler de la région d'Agen. Il a une relation passionnelle avec cette zone. Mais comment dire... Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors messieurs, on se retrouve pour discuter un petit peu librement, non pas du résultat des élections présidentielles qu'on a amplement commenté, non pas non plus pour faire de l'anticipation électorale, parce que c'est pas tellement intéressant, mais il y a quand même un phénomène politique qui est en train de se dérouler en France, qui mérite qu'on s'y arrête, et d'ailleurs qui génère beaucoup de commentaires en France même, à mon sens à juste titre, qui est la sédimentation de la gauche française autour de Jean-Luc Mélenchon. Donc en fait, pour la première fois, oui et non, c'est un peu plus compliqué. Mais disons que depuis très longtemps, la gauche française n'avait pas été fédérée autour du pôle radical, incarné par Jean-Luc Mélenchon, du moins en théorie. Traditionnellement, la gauche française était inversement organisée, c'est-à-dire que l'aile radicale était, donc généralement incarnée par le Parti communiste, hein, et l'extrême gauche était subordonnée au Parti socialiste, incarnant, on va dire, le centre-gauche, donc un parti de gouvernement raisonnable, bon, en gros bourgeois, qui savait composer avec les forces réelles contrôlant la France, hein, donc les forces financières, les puissances d'argent. Et là, il y a une inversion, puisque le Parti Socialiste s'est écroulé, il a été saigné à blanc par Emmanuel Macron, de la même manière que d'ailleurs les Républicains, donc l'ancien Parti gaulliste, a été saigné à blanc par Emmanuel Macron. Et donc ce qu'il reste du Parti Socialiste, le PS, a été satellisé par Jean-Luc Mélenchon au terme d'un accord négocié, hein, cette semaine entre Nicolas Faure, le dirigeant du Parti Socialiste, contre d'ailleurs les grands caciques du PS, hein, c'est-à-dire historiques, soit des gens comme François Hollande, Cambadélis, qui vient du trotskisme d'ailleurs, il a un parcours assez similaire d'ailleurs à Mélenchon, Cambadélis, ou des gens comme Julien Drey, hein, bon, d'origine juive bien sûr, dont le frère vit en Israël et qui est le cerveau de SOS Racisme, hein, aux côtés d'Attali notamment, qui sont contre la satellisation du PS par Mélenchon, et des gens qui sont pour, enfin les maires aussi des grandes villes socialistes sont contre, hein, Johanna Roland, Nathalie Appéré à Rennes, des gens comme ça. Pas uniquement, mais voilà, ces gens qui sont un petit peu établis, on va dire, dans leur ville, sont contre cet accord. Mais, je veux dire, le Parti Socialiste, comme appareil politique, lui, qui veut conserver un groupe parlementaire, a négocié avec Mélenchon, parce que Mélenchon a les voix. Hein, et on sait pourquoi, puisqu'on l'a détaillé dans l'émission d'il y a 15 jours. En gros, il fait voter en masse les banlieues afro-musulmanes. Hein, donc, il a les millions de voix nécessaire à la conquête de circonscriptions. Voilà, donc c'est Mélenchon le faiseur de roi. Donc il y a eu un alignement des planètes, en gros, sur le pôle radical, ce qui ne s'était jamais vu depuis très longtemps. Même quand François Mitterrand a négocié son accord lors du programme commun avec le Parti communiste, c'était le Parti socialiste qui donnait le « là ». C'était pas le Parti communiste. Et là, on était dans les années 70, à la veille de la conquête du pouvoir par Mitterrand. Donc vous voyez que ça ne s'est pas vu depuis très très longtemps. Et ça suscite toute une série de réactions, bien évidemment. Alors dans ce cadre-là, donc il y a deux choses. Donc il y a cet événement majeur, selon moi, et puis il y a la disparition de Marine Le Pen. Marine Le Pen a fugué, elle est partie en vacances. Donc on a du mal, 15 jours après le deuxième tour de l'élection présidentielle, on a même oublié que Marine Le Pen était au second tour. on a pratiquement oublié que Marine Le Pen est au second tour, parce qu'elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Ses lieutenants ne sont plus là. Ils ont été complètement effacés du paysage médiatique. Ils n'existent plus. Et si vous vous rappelez quand Mélenchon avait osé sa forfanterie en disant tout de suite le soir du deuxième tour, hein, enfin le soir entre deux tours, hein, bon, mais je crois que c'était pour le coup c'était tout de suite le soir du second tour, il a dit élisez-moi Premier ministre. C'est-à-dire qu'il avait bien prévu son plan de communication, Mélenchon, et il avait tout de suite embrayé sur les élections législatives. C'est-à-dire qu'il a tout de suite vu l'utilité des élections législatives. Il s'est dit voilà. Alors que, bon, on pourrait en parler, mais effectivement, l'opposition politique au Parlement ne sert à rien en France, puisque tout est décidé à l'Élysée. Mais enfin, il a senti l'opportunité politique de faire vivre un peu l'espoir à gauche en disant « Non, non, mais c'est pas grave, on n'a pas été au second tour, mais, il y a un troisième tour, et c'est législatif, je peux être votre Premier ministre. » Et, bah, écoutez, ça a marché, hein, ça a marché à gauche, ça a coalisé. Ça a poussé tous les gens autour de lui, ce qui fait que des partis étriés comme le Parti Socialiste ou les écologistes ont été obligés hein, de capituler et de se rallier à lui. Alors moi, je veux votre réaction à ces deux tendances. L'effacement immédiat de Marine Le Pen du Rassemblement National, pourtant fort de 42% des voix au second tour, et la dynamique de Mélenchon, qui n'est même pas au second tour. C'est ça qui est fascinant, il n'est même pas au second tour, mais qui, avec ses 22% des voix, paraît comme le grand gagnant de l'élection présidentielle, pratiquement, avec Mélenchon. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus? Je pense que vous avez des choses à dire sur tout ce qui se passe. Là. Qui veut commencer? Oui, j'ai peut-être quelque chose à dire. Elle est partie, mais alors je ne sais pas où. Mais en tout cas, ce qu'on peut supposer, c'est qu'elle a donné les clés à... une partie des clés à Jordan Bardella, et que probablement il a eu une consigne très claire comme quoi une alliance avec d'autres de droite était strictement impossible. Tu peux détailler un peu ta pensée? Je pense que tu fais allusion à Reconquête, hein, je pense, de Zemmour, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, bon, Jordan Bardella, il est très brillant, mais je pense que il est pieds et poings liés. Alors peut-être parce qu'il y a des liens familiaux indirects. Mais je crois que... Je pense qu'il a reçu une consigne formelle. Il est pieds et poings liés avec ce que commande le parti de Marine Le Pen. Je crois qu'il ne peut pas s'en dissocier. Et je pense qu'elle lui a filé une partie du... Je pense qu'elle elle a peut-être déjà décidé qu'elle ne se représentera pas en 2027. Enfin, je ne sais pas, je suppose. D'accord. Sobieski, Doom, Vincent. D'un côté, on peut se dire, oui, il y a une sorte de mauvaise volonté de la part du RN, mais faut quand même pas oublier que le RN, aux législatives, leurs voix sont divisées par deux, donc... Hein, je veux dire, alors si c'est pour s'allier avec Reconquête qui ne pèse rien du tout, hein, ils n'ont pas d'élus locaux, donc je pense que c'est aussi une volonté de pas de garder ce qu'ils ont déjà en fait, je veux dire 10 députés, ça va pas très loin quoi. Bon, ils en auront plus hein, cette fois, je pense. Hein. Normalement, hein, ils en auront quand même plus. Hein. Ouais, peut-être. C'est compliqué, à vrai dire. De toute façon, le problème, c'est que c'est très compliqué. C'est très compliqué de savoir ce qui va se passer, parce que le truc, c'est que si tu regardes bien les élections présidentielles par rapport aux législatives, il y a deux fois moins de gens qui votent. Certainement, gens, effectivement. Voilà, donc c'est ça le problème, c'est que c'est compliqué en fait de connaître les résultats. C'est toujours compliqué. On sait qu'en général c'est favorable aux sortants, mais bon, le truc c'est que Emmanuel Macron, il a son parti est assez fragile, donc c'est pour ça qu'il est en train de négocier de partout avec Sarkozy, le funeste Sarkozy. Donc, une chose est certaine, c'est que c'est comme tu dis, même si je pense qu'ils vont finir avec quelques députés, enfin allez, 40 au maximum, s'ils sont chanceux, mais celui qui a vraiment tiré les marrons du feu, c'est Mélenchon, clairement. Son truc de élisez-moi Premier ministre, c'était pas mal. C'était pas mal. Je pense que du coup, il y a deux choses qu'on peut noter au final là, c'est que la montée de la France insoumise et la chute des Républicains. Parce que quand même, ils sont en dessous des 5%, au présidentiel, c'était quand même inopiné. Donc voilà. Et sinon, je terminerai une chose, c'est en disant que tout à l'heure, je crois que Gandalf avait parlé justement du fait que l'aile centre-gauche et l'aile centre-droit, enfin, ce qu'on appelait à l'époque l'UMP et le PS, en fait, s'entendaient. Et il y a un homme là qui. Un penseur là sur Twitter, YouTube, très intéressant. J'ai lu un de ses livres il y a un moment déjà, T'as pas son et je nom? suis ses émissions. Ah, j'allais le citer, c'est Philippe Fabry. Et justement, il a fait une émission avant-hier, je crois, sur l'évolution de la politique. Et c'est très intéressant parce qu'en gros, ce qu'il expliquait, en gros, c'est qu'on se retrouvait avec un espèce de deux blocs centre, en fait, qui réunit la droite et la gauche d'avant, pour créer une espèce de bloc de centre élitiste. Et que. Voilà, tout simplement. C'est un bloc bourgeois, hein, c'est le bloc bourgeois, hein, Voilà, c'est ça. c'est... Oui, voilà, c'est ça. Et c'est très intéressant. Enfin, si j'avais une occasion d'écouter Philippe Fabry, juste le raisonnement. Parce qu'après, il avait. Sa thèse, c'est quoi? Une thèse en particulier? Oui, il en a plusieurs. Il a développé une thèse sur ce qu'il appelle l'historionomie. C'est une sorte de projection, de vision cyclique des civilisations, en fait. L'histoire des civilisations, et c'est assez intéressant. Je connais un peu le personnage, effectivement. Voilà, c'est intéressant. Après, pas force. Il y a forcément des couacs. Mais pour autant, c'est pas inintéressant. Et ce qui est pas mal, c'est que le type avait quand même prévu l'invasion de l'Ukraine. Donc c'est ça qui lui vaut une certaine aura en ce moment chez les milieux de droite. Mais sa théorie sur le clivage droite-gauche est intéressante parce qu'en fait, ce qu'il expose, en fait, c'est qu'en gros, il y a les mondialistes contre la plèbe. Hein. Oui, ça, oui, c'est un constat qui est assez partagé Voilà. maintenant. Voilà. Je Oui, pense que les partis qui ont. c'est plus droite gauche, c'est ça le truc. Hein. C'est droite gauche, c'est très Exactement. spatial. Maintenant, c'est vraiment parce que c'est ça que les gens cernaient pas. Je trouve, c'est que lors de l'affrontement droite gauche, c'est quoi la notion de gauche en fait? C'est qu'on pouvait associer une bourgeoisie de gauche avec un prolétariat révolutionnaire dans une coalition contre ce qu'on appelait la droite, en fait. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir un compromis entre la bourgeoisie de gauche et le prolétariat communiste. Ça, l'histoire de la gauche en France, hein. Donc, on peut faire une alliance, alors qui était censée être conjoncturelle, mais c'était une alliance. Et aujourd'hui, on revient en fait à un conflit qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à appréhender, qui est vraiment la classe dominante contre la classe dominée. Alors, dans la classe dominée, ça ne veut pas dire qu'il y a une unification de la classe dominée, justement. C'est ce qu'on voit un peu avec Marine Le Pen, Mélenchon. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des dominés non plus, il y a aussi des idiots utiles. D'ailleurs, on a bien vu le jeu qu'a fait Mélenchon. D'ailleurs, moi, je trouve que ça, c'était frappant. Alors, certains ont dit que... Parce qu'il a appelé à voter Macron, hein. Mélenchon a appelé à voter Macron. Excusez-moi. Il a dit, il faut pas une Pas voix, une voix. pas une voix pour, ouais, pas une voix pour l'extrême droite, et vous ne pouvez pas vous abstenir. Bon, tu vois, et ça, là on voit aussi l'escroc, c'est-à-dire que, comment dirais-je, il a même pas les couilles de dire votez Macron. Bon, mais ça dit quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'en 2002, ils ont tous appelé à voter contre Le Pen. sans exception, sauf la Guillée. Mais tous, ils ont appelé voter Chirac. Donc là, maintenant, vous voyez, même Macron est devenu tellement toxique que même Mélenchon, il peut pas le dire. Donc il dit la même chose, mais il peut pas prononcer le mot Macron. Il peut pas dire voter Macron dans la même phrase. Il peut pas. Il est obligé de dire oui, voilà. Il est obligé de recourir à des trésors de pas très grande subtilité d'ailleurs, mais il est obligé quand même à des trésors de sophisme pour essayer de s'en sortir. Et aussitôt qu'il a reconduit son président, parce que c'est ça, hein, Mélenchon a reconduit Macron, bah il veut devenir le président de l'opposition. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bon, voilà, bon. C'est le parlementarisme, vous savez ce que ça vaut. Bon, même si on n'est pas en régime parlementaire strict, voilà. Alors, je me retourne un petit peu vers Vincent, parce que je voudrais ton avis, puisque tu es le doyen de l'émission aujourd'hui, donc tu as du recul, donc tu connais forcément toute l'histoire longue de, on va dire, de la deuxième moitié du XXe siècle de l'histoire politique, de la deuxième moitié du XXe siècle en France, en tout cas de la Ve République. Tu connais comme moi les grandes lignes force du régime. Et là, on est quand même dans une configuration qui est quand même complètement nouvelle. Je pense que tu es d'accord avec moi. Mais j'aimerais ton avis là-dessus. Oui. Ben, mon avis, c'est que nous sommes dans une période. Alors, je ne sais pas si ça va se confirmer, mais nous sommes en effet dans une période de radicalisation. C'est-à-dire que quand on dit que c'est la classe dirigeante contre la plèbe, c'est extrêmement vrai. Et ça veut dire qu'en général, la plèbe va prendre des positions radicales et la classe dirigeante aussi. Donc on est dans une période de radicalisation et elle profite naturellement à M. Mélenchon. Et aussi, dans une certaine mesure, à Marine Le Pen, mais avec toutes les limites que lui impose le fait qu'elle vienne de l'extrême droite. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est assez compliqué parce que, bon, il y a quand même eu des mouvements qui ont avorté. Rappelez-vous, il y a 20-25 ans, on pensait que l'écologie allait devenir une force justement politique, une force d'alternance, enfin d'alternative. On disait, bon, ben, l'extrême droite avec Jean-Marie Le Pen, c'est pas possible, les gens en ont assez et les gens se dirigent vers l'écologie. Et il y a eu des très bons résultats enregistrés par les écologistes. Bon, et ça n'a été qu'un feu de paille, c'est très vite retombé. Donc, aujourd'hui, il faut s'interroger sur savoir si le courant qu'incarne M. Mélenchon, est-ce que c'est quelque chose qui va retomber ou est-ce que c'est quelque chose qui va se conforter. Alors, je pense qu'en effet, si nous sommes dans une logique de la plèbe contre la classe dirigeante, je pense que le mouvement de M. Mélenchon peut continuer en effet et peut enregistrer des succès électoraux. Et comme je disais la dernière fois, je pense, comme d'autres l'ont dit, ce qui peut être intéressant à ce moment-là, c'est que il suffit que la classe dirigeante s'effondre, que le centre bourgeois s'effondre, ne se relève pas, et on va assister vraiment à une polarisation de la politique entre une extrême gauche et une droite nationale, qu'elle soit bien ou mal représentée. Hein. Et là, ça peut ouvrir des portes vers des aventures qu'on ne peut même pas encore imaginer. Et c'est pour ça que je dis que tout est possible. Nous sommes comme nous sommes toujours dans une heure de recomposition. Il y a toujours des opportunités qui peuvent s'ouvrir. Reste à savoir, encore une fois, si elles vont s'ouvrir, si elles vont se... Encore une fois, je vous l'ai dit, avec l'écologie, ça n'a pas fonctionné, mais l'écologie, c'est plus l'extrême gauche de Mélenchon. Hein. Voilà. Donc, pour moi, c'est intéressant. Disons que l'écologie, tu vois, c'est un courant d'idées, alors que moi, je pense que la grande force de Mélenchon, c'est vraiment la démographie. Moi, je pense que c'est ça la force de son mouvement, hein. C'est la démographie du tiers-monde. Hein. Ça me semble clair. Ah, entièrement. Voilà. Tout à fait d'accord. Et ça, c'est une donnée dure, hein, tu vois, c'est une donnée dure. Hein. Là, tu peux faire comme tu veux. C'est pour ça de tout, tout, enfin, je veux dire, ces appels du pied à l'électorat musulman, etc. Là, tu as une donnée qui est indépassable, je veux dire. Donc, si tu veux, autant l'écologie, si tu veux, ça dépend de l'humeur de l'électorat, voilà. Autant là, parce qu'on sait comment votent les musulmans ou comment votent les... C'est comme aux États-Unis, quoi. Je veux dire, 95% des Noirs aux États-Unis ils votent démocrate, quoi. Tu vois, bon. Donc, c'est une donnée fixe, quoi. Et Mélenchon, ce qu'il s'est évertué à faire, c'est de parvenir à obtenir cette donnée fixe. Ce qu'avait dit Lyndon Johnson, d'ailleurs. Hein. Lyndon Johnson avait dit ça. Il dit je ferai Lyndon Johnson, vous savez, le président démocrate américain, il a dit je ferai voter ces nègres démocrates pendant 2 siècles. Avec, vous savez, toutes les lois sur les droits civiques avec Martin Luther King, etc. C'était du cynisme pur de la part de Lyndon Johnson. Hein. Et Mélenchon a la même approche, avec peut-être plus d'empathie vis-à-vis des musulmans, mais enfin, n'empêche que c'est ça. C'est-à-dire, en fait, ce que dit Mélenchon, dit « je ferai voter ces musulmans pour moi et mon mouvement et ceux qui me succéderont pendant 2 siècles ». Il veut en faire une donnée fixe. Il ne veut plus de volatilité dans cet électorat-là. Et avant, il n'y avait pas d'électorat musulman. Parce que la plupart des musulmans, ils ne votaient pas. Ils restaient chez eux. Ils n'étaient pas intéressés. Vous voyez ? Ils voyaient que c'était des débats entre blancs, à la télé. Ils n'étaient pas intéressés. Et là, quelque part, d'ailleurs, c'est un peu le retour de boomerang de Zemmour. Hein. Vous parlez de grand remplacement. Bah, les grands remplaceurs, ils se sentent intéressés à la question, forcément. Hein. Donc Mélenchon, il répond à ce que dit Zemmour, ou Zemmour répond à ce que dit Mélenchon, enfin c'est une espèce de jeu dialectique, et du coup les musulmans ils disent « Attendez là, là on a des billes dans le truc, là on est intéressé dans ce qui se passe, là bah oui, là ça nous intéresse, là on va participer aux élections là du coup, là ». Vous voyez, ça Mélenchon a réussi. Ah bah oui, de voilà. Toute façon, c'était fatal, et ça avait été prévu par Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, je me rappelle, dès la fin des années 80, et il disait, faites très attention, parce qu'un jour, cet électorat issu de l'immigration, c'est-à-dire pas forcément la première ni la deuxième génération, mais ceux qui seront dans le pays vont naturellement participer à la politique. Et il disait, ils ne participeront pas pour nous. Il parlait déjà d'un vote pour la gauche. Et c'était vrai. Alors, sur ça aussi, il avait parfaitement raison. Là-dessus, encore une fois, la dynamique était prévisible et beaucoup de gens l'avaient prévu. Ah oui, totalement, mais je crois que la grande innovation de la proposition de Mélenchon, c'est que... Mais, parce que la gauche socialiste a fait du clientélisme immigré, d'accord ? SOS racisme, comment dirais-je, la marche des beurs, tout ça, enfin, c'était du clientélisme immigré. Bon, mais ils étaient perçus comme des immigrés. Mélenchon s'adresse à eux en tant que musulmans. C'est pas pareil. Ah ben bien sûr, c'est pas pareil. Bien sûr, il y a une évolution sociale due à l'implantation de plus en plus grande et de gens qui en effet se regroupent autour d'un point commun pour eux qui est la religion musulmane parce que c'est ce qui les différencie énormément du peuple blanc, en quelque sorte. Exactement, hein, voilà. Donc voilà, et ça, Mélenchon, il a franchi le Rubicon. Et d'ailleurs, justement, tu disais que Mélenchon était une réponse, enfin, son mouvement était une réponse à Zemmour. Zemmour utilise le terme « grand remplacement », qui est un terme avec une valence négative, on pense vraiment à quelque chose de fatal. Alors que Mélenchon lui répond avec l'opposé total, la créolisation. Ouais. On pense à quelque chose de positif. En fait, Mélenchon et Zemmour, ou tous ceux qui voient le processus, ils sont d'accord objectivement sur le fait qu'il se passe quelque chose. Okay, donc il y a des gens qui remplacent d'autres personnes, etc. Mais le point de vue qui est porté est négatif ou positif selon où on se situe. Donc ceux qui se font amalgamer, détruire, remplacer, nettoyer ethniquement, ils trouvent ça négatif, à forte raison. Et ceux qui remplacent trouvent ça au contraire extraordinaire, génial, extraordinairement positif. Donc ça, c'est même de chez Mélenchon. Donc, quand vous êtes la victime, vous appelez ça le grand remplacement. Quand vous êtes l'assassin, vous appelez ça la créolisation. D'accord ? En gros, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a quand même là-dedans quelque chose de positif, parce que indépendamment du regard qu'on va porter sur le processus, il y a au moins un accord objectif sur le fait qu'il a lieu. Alors que jusqu'à une date récente, l'établissement politique disait non, mais ça n'existe pas. Et il avait le pouvoir de dire, enfin, quand le pouvoir politique disait ça n'existe pas, il avait le pouvoir de faire accepter que ça n'existait pas. Or, maintenant, grâce à cette espèce de triangulation qui existe, quand Mélenchon et Le Pen, ou Mélenchon et Zemmour sont d'accord sur quelque chose, le centre au pouvoir, il peut dire ce qu'il veut. Si l'extrême gauche, ou si la gauche radicale, et l'extrême droite, ou la droite radicale sont d'accord sur une même réalité objective, elle existe. Dans l'opinion publique, ça veut dire que ça existe. Et le centre bourgeois ne peut rien faire face à ça. Donc tous les truqueurs, les menteurs, voilà, ils n'y arrivent plus. Pardon, oui, pardon, je t'ai coupé. Oui, je disais, c'est pour ça que l'on peut vraiment arriver à une radicalisation de la vie politique. Parce que là, cette réalité que l'on contestait devient, au moins dans l'esprit de beaucoup, totalement incontestable. Et voilà, et toute la différence sera sur le regard que l'on portera dessus. Il y en a qui diront, le grand remplacement est une chance, enfin le grand remplacement, la créolisation, la... Et il y en a qui diront, le grand remplacement, c'est notre mort. Et on risque, et à côté de ça, il y aura un centre qui va être laminé, et on risque en effet d'assister à une radicalisation. Alors, reste à savoir ce qu'il en adviendra. Ça, c'est assez imprévisible. Hein, assez imprévisible. Après, il y a une inversion qui est marrante aussi, c'est que vous savez que la gauche est fondée sur l'anticléricalisme, en fait, l'athéisme, en fait, le combat contre l'emprise de la religion catholique sur la société française. Et on voit l'inversion. C'est-à-dire que maintenant, je pense que le clivage droite-gauche peut encore continuer à exister. Sur la fracture religieuse. En fait, il y a beaucoup d'autres facteurs, mais sur un facteur, une espèce de variable irréductible, qui est le facteur religieux. Mais c'est plus le rapport à la religion catholique, c'est le rapport à la religion islamique. Vous voyez, parce que c'était ça, hein. Voilà, les gens qui étaient de gauche, en fait, ils pouvaient être en désaccord sur des tas de trucs, mais ils étaient au moins d'accord sur une chose, c'est qu'il fallait absolument expulser l'Église catholique de son rôle d'organisatrice de la vie sociale. Ça, c'était clair pour tous les mecs de gauche, il fallait en finir avec le règne des curés, quoi. Et en fait, on voit le renversement, c'est-à-dire que la France blanche est complètement déchristianisée, sécularisée, à l'exception de quelques petites marges, je veux dire. Mais bon, grosso modo, les gens ne croient ni à Dieu ni à diable. Ou alors, c'est vraiment très rituel. Voilà, on va aux enterrements, voilà, mais sans plus. Et la ferveur religieuse, alors à l'exception évidemment des démocrates, comme tu le disais, mon cher Vincent, qui sont eux vraiment habités d'une fièvre religieuse, mais... Je veux dire, la religion au sens strict, comme on l'entend traditionnellement, elle est dans les banlieues islamiques, quoi, et elle est courtisée par la gauche, espèce de renversement. Et il y a un jeu dialectique, c'est-à-dire qu'en fait, le sentiment anti-religieux, je pense, va prendre de plus en plus corps à droite, même si on aura des marges un peu catholiques, voilà. Et le respect du facteur religieux, l'aménagement du fait religieux, donc du fait islamique, en fait, lui va vraiment devenir totalement dominant à gauche. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens de gauche qui vont nous dire « Arrêtez d'empêcher de construire des mosquées. » Vous voyez, en gros, c'est ça. Hein. Je veux dire, la gauche va militer pour construire des mosquées. Quoi. Vous allez me dire « C'est pas d'aujourd'hui. » Non, c'est pas d'aujourd'hui, mais ça va devenir presque un cri de ralliement. Quoi. Comme jadis, les cris de ralliement pro-catholique fédéraient la droite. Donc je pense qu'on arrive dans ce moment un peu bizarre où l'islam va fédérer la gauche. Donc on est dans une phase pré-islamique à gauche. D'accord ? Actuellement, tous les agrefins qu'on trouve autour de Mélenchon, du trotskiste, il y a les opportunistes et tout, hein, vous avez toute une clique de gens qui veulent se faire élire, point barre. Hein. Mais il y a des gens plus idéologues, des gens qui viennent de l'extrême gauche, et ces gens-là pensent se servir des musulmans pour leur propre but. Ils se trompent complètement. Complètement. C'est les musulmans, qui vont avoir l'arrivée. Faut regarder l'Iran. Hein. Ah oui. Ah C'est-à-dire l'Iran. En Iran, voilà. Les marxistes, en gros, en Iran, les marxistes ont fait le front commun contre le méchant capital et contre l'ancien régime qui était plutôt capitaliste. Et au final, les musulmans, ils ont débordé les marxistes et ils ont tous zigouillé. Ah ben, c'est évident, puisque que historiquement, et Gandalf a tout à fait raison, quel est le vrai facteur qui sépare la droite de la gauche, c'est que normalement la droite reconnaît fondamentalement, c'est un ordre naturel. Alors souvent, l'ordre naturel, il est lié à une pensée supérieure qu'on appelle Dieu. Et c'est pour ça que les gens de droite, en France, traditionnellement été catholique ou chrétien. Mais on peut croire à un ordre naturel en étant athée, en disant que c'est la nature avec un grand N. Donc, c'était pas si clair, mais enfin bon. Donc la droite croit en l'existence d'un ordre naturel que l'homme ne peut pas dépasser. Alors que la gauche, elle, disait non, il n'y a pas d'ordre naturel. Et c'est pour ça qu'elle voulait se débarrasser de l'Église catholique en tant que, que dirigeante de la société, en disant mais non, il n'y a pas d'ordre naturel, tout est affaire de hasard, l'évolution c'est un processus hasardeux, donc il n'y a pas de race, il n'y a pas de sexe, etc. Et c'est pour ça que lorsque la gauche arrive au combat antiraciste à 200% et LGBTiste, la gauche est complètement logique avec elle-même. Et il est vrai qu'aujourd'hui, en voulant exploiter la religion musulmane par pur clientélisme, par pur opportunisme, elle est dans une telle contradiction que ça ne peut se résoudre que comme ça s'est résolu en Iran. Alors je sais très bien ce que disent les gens de gauche parce que je les ai beaucoup lus. En fait, les gens de gauche se disent non, en fait, au bout d'un moment, l'islam va être soluble dans la République. Et parce que aujourd'hui, il y a l'invasion des nanotechnologies qui ont plutôt tendance à niveler vers une société un gros matérialiste à l'américaine, l'islam, en deux ou trois générations, va devenir une religion que... il y en aura de moins en moins, et ceux qui le seront accepteront que ce soit dans la sphère privée. C'est-à-dire qu'on va réussir à dissoudre l'islam dans notre République. Alors là, je pense que le pari est pour le moins risqué, voire suicidaire. Donc en effet, tu as raison, on arrive à une société, enfin une situation que tu as appelée bizarre. Elle est complètement contradictoire, parce qu'on a une droite qui est devenue une gauche, c'est-à-dire qui est complètement sécularisée, qui croit plutôt à un ordre naturel, et on voit une gauche qui devrait être totalement contre toutes ces idées, qui par pur opportunisme s'allie avec une religion. Alors là, ça ne peut donner qu'un résultat tout à fait, catastrophique. Et les prochaines années vont être intéressantes pour ça. Intéressantes et je dirais un peu inquiétantes aussi. Oui, quand même. Je voulais citer un truc. Dans cette recomposition politique, parce qu'on est en pleine phase de recomposition, parce qu'en fait, c'est un phénomène chimique, oui, de dissolution, quoi. Et on voit les corps se recomposer. Manuel Valls, c'est tellement symptomatique, quoi. Donc, il a courtisé activement Emmanuel Macron. Et il bénéficie d'un retour en grâce, donc il a été disgracié, maintenant il a un retour en grâce. Ça a été assez court, somme toute, parce qu'il était encore député des Hauts-Rives en 2018, donc finalement il a fallu que 4 ans. En République, en France, 4 ans suffisent à vous blanchir, donc ça suffit à Valls pour devenir un candidat. Donc il était député socialiste des Hauts-Rives, PS. Maintenant il va être candidat, élu, je présume, macroniste en Espagne. Donc en fait, c'est une non-circonscription, parce que vous savez, les députés de l'étranger, on sait comment ils votent, ils votent tous pour Macron à bloc, parce que c'est des bourgeois exilés. Attention, hein, je dis pas que tous les gens qui s'exilent sont des bourgeois. Ou que d'ailleurs, il y a des bourgeois respectables, d'ailleurs, il y a des gens qui sont des bourgeois, mais qui ont une pensée nationale, je veux dire. Ils sont généralement l'exception. Je veux dire, les votes expatriés français, bon, ils sont accablants, hein, c'est en Amérique et ailleurs, c'est à fond pour Macron. Donc, on lui a présenté une non-élection à Valls. Macron lui a offert la représentation des Français d'Espagne, du Portugal et de je ne sais quel confetti. Et donc, il est sûr d'être élu, comme meilleur Habib, quand il est président, député des Français d'étranger, d'Égypte, d'Israël, de Turquie et de Grèce. Bon, en fait, il est juste président, comment dire, député des Juifs d'Israël à passeport français, en fait. Vous voyez, ça, c'est des petites, c'est des fermages qu'on distribue comme ça. Et donc, Valls, il est dans son retour en grâce. Alors, d'ailleurs, pourquoi je parle de Valls? Quel est l'intérêt? Mais Valls, en fait, n'a qu'une obsession. C'est la victoire de la race juive. C'est la seule chose qui l'anime. Et vous aurez remarqué que depuis, même quand il était Premier ministre, toute son action n'a tourné autour que d'une chose, s'assurer que les Juifs restent au pouvoir en France. Ça a été la seule chose qui l'a animé. D'où d'ailleurs sa virulence contre Dieudonné, l'humoriste que vous connaissez, contre Alain Soral, les persécutions qu'il a lancées contre ces personnes, ça vient de ça. Hein. C'est-à-dire que voilà, il s'est dit, on a un problème. Soral, Dieudonné articule quelque chose qui mord dans les banlieues afro-islamiques de France. On ne va pas revenir là-dessus, mais voilà, ça mord. J'ai un problème parce que l'antiracisme était contrôlé par les Juifs. C'était nous qui étions censés au Parti Socialiste contrôler totalement les banlieues afro-musulmanes. Or, maintenant, visiblement, c'est plus nous qui les contrôlons. On a un problème, il faut en finir avec ces gens. Il a essayé de détruire Dieudonné, il a certainement quand même fait beaucoup de mal à Dieudonné, hein, c'est indubitable, hein, je veux dire, il l'a empêché de se produire, etc. Donc ça a certainement restreint l'action de Dieudonné, en tant qu'artiste, je veux dire. Mais il n'a pas quand même réussi totalement à le détruire, mais à beaucoup l'affaiblir. Mais lui-même s'y est cassé les dents. C'est-à-dire que ça lui a coûté énormément en termes d'image. Et on se disait, il était parti à Barcelone. Il s'était exilé. Il s'était exilé, au sens strict. C'est-à-dire qu'il était maudit. Et là, Macron tente un truc qui, à mon avis, est assez symptomatique de ce qui anime son deuxième mandat, qui m'a l'air d'être partiellement contrôlé par des éléments extrêmement radicaux parmi la communauté juive. C'est-à-dire que maintenant, on va utiliser tous les moyens et on va y aller à fond et on va pas chercher à se cacher. On va vraiment écraser tout ce qu'il y a sur notre passage. Parce que quand vous sortez quelqu'un comme Manuel Valls, qui est aussi impopulaire, aussi détesté, aussi brutal et agressif que lui, quelqu'un comme Macron, qui quand même a un petit peu d'expérience, sait que c'est pas se faciliter la vie. Quand vous sortez quelqu'un comme ça, vous ne facilitez pas la vie. Donc, pourquoi sortir un élément aussi radical? Pourquoi choisir un élément aussi radical alors que vous savez que ça va générer des réactions, de la production anticorps, en quelque sorte? Pourquoi vous sortez? Je crois que Macron a décidé d'écraser tout le monde. Et qu'il veut s'associer à toute une série de cercles juifs. Et qu'il accepte de prendre des gens qui veulent aller à la confrontation directe. Voilà, c'est ce que je pense. Parce que c'est lui, c'est Macron qui ressuscite Valls, qui est un homme mort politiquement. C'est-à-dire que Valls peut pas être... vous imaginez, il y a juste, Macron peut faire roi à peu près n'importe qui. Il va avoir, je sais pas, il va rafler 350 circonscriptions, quelque chose comme ça. Il peut pratiquement faire député n'importe qui. Sauf Valls. Il ne peut pas le faire député. Il le fout dans n'importe quelle circonscription, il va recevoir des sauts de patates. Alors il faut lui créer une fausse circonscription pour le faire revenir d'entre les morts et l'imposer à tout le monde à l'Assemblée nationale. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Donc là, ça nous dit quelque chose. Parce que sur cette montée en puissance de Mélenchon, qui organise les banlieues musulmanes, et on sait que ça ne plaît pas aux juifs, faire sortir un mec comme Valls, c'est clair que nous allons, sur ce front-là, à une grosse confrontation. C'est sûr. C'est sûr. Et Macron tente un truc qui est dangereux, parce qu'il a deux fronts. Il a deux fronts. Il déclare à la fois 40% de l'électorat, parce que c'est comme c'est ce qu'il a dit, hein, le sens de la victoire. Il a dit, en gros, 40% de l'électorat, c'est des fascistes. Hein. Bon. Il a bien fait comprendre que presque la moitié du pays est bonne à jeter aux ordures. Et il déclare aux associés de Mélenchon que c'est le même régime. Alors moi, j'aimerais votre réaction là-dessus. Je ne sais pas si ça vous intéresse, je ne sais pas si vous avez perçu ça, mais je pense que ça annonce des choses pour ce quinquennat. Moi, j'ai l'impression que Macron, il va commencer à avoir un bras de fer assez musclé avec la gauche, parce qu'il y a Mélenchon qui se sent pousser des ailes, donc les insoumis. Il y a la CGT, là, j'ai vu qu'ils étaient en train... L'autre jour, là, quand il y avait comment on l'appelle déjà le 1er mai, là. Voilà, la fête du travail. Fête du travail. Voilà, c'est ça. Les types étaient en train de dire on va faire pression sur Macron, hein, alors qu'ils ont l'habitude depuis longtemps de lui manger dans la main. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu la confiance. Macron va devoir les mettre au pas. Et j'en dirais pas trop, mais j'ai eu des échos comme quoi il y aurait des infiltrés identifiables à la gauche, et ces gens-là ont ils sortent au bon moment, en tout cas. Ils sortent au bon moment, donc ça ne m'étonnerait même pas qu'ils soient liés au pouvoir macronien et juif pour mater une partie de la gauche qui se sent pousser des ailes. Bah, on a vu les réactions délirantes suite à l'accord avec le Parti Socialiste. Cazeneuve démissionne du Parti Socialiste avec fracas. Enfin, on ne démissionne pas du parti, on quitte le parti. Donc il quitte le Parti Socialiste dans la droite ligne, hein, de Valls. Hein. C'est-à-dire que vous avez des socialistes qui disent « Cet accord avec Mélenchon, c'est insupportable. Nous allons combattre le Parti Socialiste. » Donc on a Valls qui dit... En gros, c'est ça qu'il dit. Valls, socialiste, premier ministre d'un président socialiste, dit « Je vais combattre le Parti Socialiste, qui a fait un accord avec Mélenchon. Je vais le combattre. » Cazeneuve, qui nous a poursuivis en justice, hein, pour le compte des Juifs, hein. Un procès délirant pour faire intervenir démocratie participative, avec comme premier avocat. Il venait juste de sortir du ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, Cazeneuve. Il avait rien d'autre à foutre, je sais pas. On le préoccupait énormément. Toujours pareil, la question des Juifs. Il s'est retrouvé à la tête d'une vingtaine d'avocats mandatés par les Juifs pour nous faire interdire. Ils ont tordu la loi, d'ailleurs, parce que rien n'a été respecté comme ça, mais ça, c'est un détail. Il claque la porte. Hollande gémit comme il peut sur toutes les ondes. Ils sont tous en train de... Mais ils n'ont aucun pouvoir d'influence sur le Parti Socialiste. Moi, je trouve ça fascinant, quoi. Je veux dire, tous ces grands caciques qui étaient ministres socialistes il y a 5 ans n'arrivent plus à contrôler le Parti Socialiste qui est irrésistiblement aimanté par Mélenchon. Moi, je regarde ça d'un œil très intéressé. D'autant que je vous rappelle que Mélenchon a manifesté aux côtés des Frères musulmans dans les rues de Paris. C'est Marwan Mohamed et tout ça. Bon, les Frères musulmans, écoutez, ils ont beaucoup de défauts. Hein. Déjà, ils n'aiment pas tellement les infidèles. Mais il y a une chose qui est claire avec eux. C'est qu'ils n'aiment pas beaucoup les Juifs non plus. Ils ne les apprécient pas énormément. Et là, Mélenchon ne peut pas ne pas voir qu'une partie de ses interlocuteurs politiques sont les Frères musulmans et que ces gens-là n'aiment pas beaucoup les Juifs. Les socialistes le savent. Historique, je veux dire. Et là, on rentre un peu au cœur d'une fracture qui était assez latente avec le conflit israélo-palestinien. Ouais. Ça a toujours été plus ou moins latent. Ouais. Et là, je crois que ça devient violent, sauf que maintenant, le Parti Socialiste pro-israélien, pro-juif, est en train de crever définitivement, parce que Mitterrand avait foutu les Juifs à tous les pouvoirs. Mon cher Vincent, Badinter, j'entendais cette vieille carne, il est encore vivant celui-là, je ne sais pas comment il fait. Il était encore en train de... Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Parce qu'ils sont en train de convoquer toutes leurs momies pour essayer d'empêcher Mélenchon de mettre la main, parce qu'ils savent très bien qui c'est qui est derrière Mélenchon. Donc, ils sont en train de convoquer tous leurs gars, et Badinter a dit « Mais comment? Mais quoi ?» etc. Et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent plus. Les Juifs n'y arrivent plus. Je veux dire, à gauche. Parce que les musulmans sont trop forts. Ils sont trop forts, je veux dire, c'est pas qu'ils sont plus intelligents. C'est que leur poids est devenu tellement énorme qu'on peut... Il n'y a aucun politicien de gauche qui peut faire l'impasse sur la question islamique. Quoi. Ils peuvent plus, quoi. Alors, donc, soit tu vas chez Macron et tu sers les juifs, soit tu vas à gauche et tu sers plus ou moins les musulmans ou l'immigration, quoi. Voilà. Voilà. Donc... Et c'est un bouleversement, parce que, et je tiens à y insister, je vous donne la parole, mais il ne faut pas sous-estimer ça. Tu parlais de Drummond, d'ailleurs, pour une histoire de rue, d'ailleurs. La République française, bon, tout le monde connaît la Révolution française, mais ça a duré peu de temps, c'est quelques années. La seconde, avortée. Napoléon III l'a tué. Donc, la République française, en réalité, c'est la Troisième République, 1875. Mais elle a été vraiment sédimentée comment? C'est l'affaire Dreyfus. C'est ça qui a sédimenté la République en France. C'est la victoire des Juifs. Point barre. Le reste, ça n'existe pas. Tu ne peux pas maintenir la République en France si tu ne maintiens pas les Juifs en France. C'est impossible. Les deux sont indissociables. Ceux qui disent l'inverse sont des menteurs. Les Juifs le savent. Les Républicains bien formés en loge souvent, le savent. Et quand ils voient Mélenchon faire ce qu'il fait, ils savent que c'est la fin de la République. On va vers autre chose. Je ne sais pas, peut-être qu'ils appelleront ça d'ailleurs la République, je ne sais quoi. Hein, je veux dire. Mais c'est clair que c'est la fin de la République juive de Dreyfus. Ça, c'est clair. Et je crois que beaucoup de gens ne le mesurent pas. Oui, et aussi une chose, c'est que... On retombe dans une configuration, c'est que avant, il y a très longtemps, on avait une gauche extrême, donc le Parti communiste, qui était la principale force de gauche. Ça a été évincé, justement, comme tu disais, par Mitterrand, par le PS. Et là, c'est en train de revenir avec Mélenchon. C'est-à-dire, je pense que ça va être un équivalent du Parti communiste d'antan. Voilà. Oui, enfin... Sauf qu'il ne prendra pas ses ordres à Moscou. Hein. Peut-être que Paris deviendra même la future Moscou de l'international islamique. Vincent, quand tu aurais quelque chose à dire là-dessus, sur la fin du cycle républicain, quelque part, peut-être la victoire posthume de Drummond, je ne sais pas, mais on assistait à quelque chose là, quand même. Alors justement, ça, personnellement, ça confirme ce que j'ai toujours dit, à savoir que les Juifs, en tant qu'entité collective avec des représentations, hein, des associations qui les représentent, n'ont pas la puissance infinie que certains imaginent. Et justement, tu l'as bien exposé, c'est que là, ils sont débordés. C'est pour ça que j'en appelle à tous ceux, notamment qui sont au milieu, tiennent toujours des discours d'ailleurs assez désespérants de dire de toute façon nos adversaires ont une puissance infinie, ils manipulent tout, ils contrôlent tout, ils ont toujours tout prévu, tout est à leur botte, même Hitler était manipulé, c'est pas vrai, c'était non, j'ai toujours dit mais non, ils ne maîtrisent pas tout. Alors ils ont une puissance, c'est bien évident, une forte puissance, comme d'autres d'ailleurs lobbies, hein, qui ont des fortes puissances aussi, mais ils ne maîtrisent pas tout. Et là, en effet, il y a, dans la recomposition que l'on trouve, comme la résurrection d'une espèce d'ultra-gauche qui, en effet, n'était pas favorable aux Juifs. Hein. Il faut voir, quand on relit le journal officiel des années 1880-1900, les discours de gens qui étaient de gauche, eh bien, aujourd'hui, ces gens se retrouveraient devant les tribunaux. Hein. Donc, il y a en effet quelque chose de très... Voilà, on ne sait pas, comme tu dis, Gandalf, on ne sait pas vers où ça peut aller. Pour l'instant, c'est vraiment très excitant. C'est que il y a, en effet, une peur. Et je vous rappelle que en Israël, il y a, je crois, c'est 48% des Juifs qui disent qu'un nouvel holocauste, nouvel entre guillemets, naturellement, est possible. C'est-à-dire que, alors, il y en a plus chez les femmes que chez les hommes, hein, mais il y en a plus chez les jeunes que chez les moins jeunes. Et il y a une peur. Il y a une peur, même en Israël, peut-être même d'ailleurs surtout en Israël, il y a un phénomène qui se passe. Alors, est-ce que c'est une victoire posthume d'Edouard Drummond? Je l'ignore, parce que je ne suis pas... Sur Drummond, je parlais vraiment du cadre vraiment franco-républicain, hein, qui était d'ailleurs son théâtre d'action. Hein, je veux dire, mais quand on voit que les forces de gauche... Parce que c'est ça, enfin, faut pas se mentir. Je veux dire, à partir du moment où la gauche se fédère autour de Mélenchon, qui est quelqu'un qui courtise les forces islamiques, qui sont anti-juives, il faut pas se mentir. Bien sûr. Voilà, ils utilisent pas ce genre de termes et tout, mais on le sait. Moi, je dis que la gauche a abandonné les juifs. Alors, on pourrait dire oui, bon, et alors, qu'est-ce que ça implique? Mais ça implique que la gauche a toujours été la force juive en France depuis 150 ans. Tu disais, oui, c'est vrai que c'est dans les années 1890-1900, c'est-à-dire que quand il y avait encore une gauche radicale très dure, très prolétarienne au fond, il y avait un antisémitisme de gauche qui existait. Tu as tout à fait raison de le dire. C'est important de le souligner. Parce qu'ils ont tout réécrit après 1945, ils ont dit en gros l'antisémitisme c'est l'extrême droite. Alors c'est complètement faux, je veux dire. L'antisémitisme c'est quelque chose qui traversait totalement la société française. On en trouvait à l'extrême gauche, chez les catholiques, chez les non-croyants, etc. Un des patrons de la, comment dirais-je, de la libre pensée, une organisation, comment dirais-je, athée et anarchiste, c'était Lorulo, et qui avait une feuille anarchiste, avait toujours une occasion de se payer la tête des juifs. Enfin, c'était tout le temps, ça revenait constamment chez les anarchistes, ça. Il n'y a que depuis 1945 qu'on verse une larme émue sur le sort des Ashkénazes. Mais sinon, dans la véritable tradition de gauche, qui était d'ailleurs reprise en partie par Céline, hein, parce que Céline n'est pas un homme de droite. Hein. Moi, j'ai entendu des trucs comme ça là-dessus, c'est complètement con. Hein. Céline ne vient pas de la droite. Hein. Et l'antisémitisme célinien, et beaucoup plus un antisémitisme de gauche qu'un antisémitisme de droite. Hein. D'ailleurs, ça mériterait qu'on s'y arrête. Hein. Et bref, cette république qui nous a écrasés absolument avec ses oukases, avec ses badinters, toute cette pouillerie juive qui nous a étouffés, alors pas pour le meilleur, parce qu'effectivement c'est sous le fait de l'invasion islamique, mais est en train de crever. Et vous savez, moi, mon pari, c'est le suivant. D'abord, on n'est pas les maîtres des événements. Ça, c'est un fait. On n'est pas les maîtres des événements. Mais si les événements nous apportent quelque chose de positif, il n'y a pas de raison de ne pas l'embrasser. Alors, je ne suis pas un fan de l'invasion islamique de la France. Ce n'est pas quelque chose qui m'enthousiasme du tout. On en a parlé en début d'émission. Mais s'il peut y avoir au moins une retombée positive, ne serait-ce qu'une seule, de cette immigration islamique, quel antisémitisme? Ça peut faire sauter le système tel qu'il existe et, à son corps défendant, libérer, enfin en tout cas contribuer à la libération d'une partie de la population française de souche ou de sang, de se débarrasser de ces tabous qui sont hérités depuis 1945, qui sont le fruit de la dictature juive, et ça serait positif. Voilà. Donc en fait, vous savez, je parlais de trucs dialectiques, et d'ailleurs Vincent aussi disait, c'est toujours un peu mystérieux la dialectique, parce que quelque part on lance un boomerang et on ne sait pas trop où ça va, et puis ça nous revient dans les dents, mais pas par le côté qu'on attendait, on ne sait jamais trop. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que le cours de l'histoire est toujours un peu chaotique, on ne peut pas vraiment anticiper, quoi. Et Mélenchon, même lui-même, à son corps défendant, en fait, peut libérer des forces très positives en voulant avoir une intention destructrice. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Et c'est ce que j'ai toujours dit, que l'invasion, c'est-à-dire la pénétration islamique, j'essaie d'éviter, moi, de prendre des mots trop forts, peut-être que on me dira ça sert à rien, mais bon, peut avoir un aspect très très positif, c'est qu'en effet, c'est faire sauter le tabou de l'Holocauste. Quelque chose qui est totalement imprévu. Alors c'est pour ça d'ailleurs que dans l'éducation nationale, ils font un effort de propagande terrifiant auprès notamment des jeunes de l'immigration pour dire mais non, au contraire, c'est le même combat, c'est le combat contre le racisme, hier c'était les juifs, mais demain ce sera vous, l'étoile jaune ce sera votre peau, qu'elle soit basanée ou noire, etc. Bon, il y a tout un discours qui est créé, ils sont en train de vouloir justement récupérer cette jeunesse, mais encore une fois, comme tu dis, l'histoire est chaotique, on ne peut absolument pas, et eux-mêmes ne savent pas à l'heure actuelle comment ça va se goupiller. Encore une fois, c'est pour ça que je n'aime pas. C'est pour ça que j'ai tendance à combattre ce discours qui dit c'est pas vrai, ils ont tout prévu, ils gouvernent tout, ils manipulent tout. Parce qu'il n'y a rien de plus désespérant que ce discours-là. Moi, si personnellement j'ai jamais cessé de combattre, c'est que j'ai toujours dit ce n'est pas vrai. L'histoire est chaotique. On ne peut pas tout maîtriser. Il y a trop d'éléments. Vous savez, je vais bientôt sortir donc mon nouveau livre sur Oradour. Il y a eu tentative, on le sait maintenant, depuis 2018, grâce à des révélations qui ont été faites, il y a eu une tentative de l'État français, du gouvernement français en 1944, d'écrire l'histoire qu'on nous impose au Radoux. Eh bien, bien qu'il y ait eu cette tentative venue à l'époque du plus haut, ils ont cafouillé comme des malades. Ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur la thèse officielle. Elle est apparue, il a fallu plus de pratiquement 10 ans pour qu'elle apparaisse. Et aujourd'hui, quand on relit les documents, on s'aperçoit à quel point leurs contradictions, leurs hésitations trahissent le mensonge. Ça veut dire que même pour un petit fait, parce que c'est un petit fait, qui s'est passé en un après-midi dans un petit village, l'histoire a été chaotique. Ils n'ont pas pu maîtriser. Alors, si vous voulez, la recomposition que l'on a aujourd'hui avec M. Mélenchon, avec tout ça, avec cette immigration musulmane qui n'est pas favorable aux juifs, et de loin, moi je vois dans des familles musulmanes où je donne des cours particuliers, où j'en donnais, les juifs ils n'étaient pas appréciés. Hein, et pourtant, c'était des bourgeois, pas du tout, voilà, c'était pas des prolétaires, hein, c'était des bourgeois pour pouvoir donner des cours particuliers à leurs enfants. Ah, je voyais comment ça se passait, et c'est vrai que souvent je me disais, oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Et je crois qu'on le vit à l'heure actuelle. Donc, tout est chaotique, comme tu l'as très très bien dit, rien n'est maîtrisable à 100%, l'avenir est toujours devant nous. Absolument, totalement. Nos autres participants veulent-ils ajouter quelque chose sur ce point? Donc, dans cette recomposition un peu... Enfin, Mélenchon a réussi ce pari extraordinaire d'être troisième au premier tour, mais finalement d'être le deuxième de la course, et même d'attirer à lui toute l'attention. Peut-être justement à cause de ça. C'est-à-dire que vous avez la réalité technique des élections, bon, d'accord, puis en fait, c'est la réalité sociologique, c'est-à-dire qu'il y a la composition de la société, les évolutions, les dynamiques qui traversent la société, et notamment démographiquement, donc, ce qui fait qu'il peut perdre les élections, mais en fait, être le vainqueur, parce qu'en fait, ils sont de plus en plus nombreux, et de plus en plus confiance en eux. Oui, moi, j'ai peut-être un truc à rajouter. Disons que, supposons qu'ils aient eu recours aux dernières élections, pas forcément celle-ci, mais celle d'avant et encore celle d'avant, a parfois peut-être des trucages pour arranger les chiffres. Eh bien, ce qui est génial, enfin génial entre guillemets, c'est qu'avec avec des gros guillemets, c'est qu'avec cette élection qui est en fait ethnique, peut-être que dans le futur, ils n'auront même plus besoin de tricher parce que cette gauche islamique sera majoritaire sans avoir besoin de tromper l'électorat. C'est évident. Moi, je comprends pas pourquoi c'est un débat. Bon, ça, c'est une vérité qui a animé le Front National tout de suite. Enfin, je veux dire, tous ceux qui ont un minimum de réflexion et qui sont lucides savent que la démographie va faire les élections. Okay, c'est très simple à comprendre, d'accord. Donc, on y est. Mélenchon capitalise là-dessus. Il y a quelque chose qui vient derrière Mélenchon qui, à mon avis, sera beaucoup plus radical que Mélenchon. Beaucoup plus radical que Mélenchon. C'est ça qui inquiète les Juifs. C'est pas Mélenchon qui inquiète les Juifs. Les Juifs sont pas inquiets avec M. Mélenchon. Pas du tout. En revanche, avec ce que Mélenchon met en mouvement comme mécanique, là, les Juifs sont très, très, très, très inquiets. Et ils ont raison de l'être, d'ailleurs, je le précise. Donc, c'est ce que j'allais dire. Oui, voilà. Non, parce que... Oui, ça va pas être très, très cordial. Bah, écoute, tant qu'à faire... Je vais pas pleurer, hein, je le dis tout de suite. Ce que j'allais dire... On va pas pleurer, c'est l'arroseur arrosé, c'est bien mérité. Hein. Bah bon, ces gens ont quand même organisé l'invasion de l'Europe pour se venger justement de cette soi-disant holocauste, et ça va leur retomber sur le coin de la gueule, comme tout ce qu'ils font depuis toujours, parce que c'est toujours ce qui se produit. Et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à se retourner vers leur divinité et leur demander de lui poser des questions. Hein. Voilà, c'est pas à nous qu'il faut poser des questions. Mais voilà, et ceci étant dit, et on va en terminer là-dessus pour aujourd'hui, c'est l'absence de propositions alternatives. Je vais pas dire à droite, moi je suis pas un gars de droite, hein, je le dis tout de suite, je suis pas un gars de droite. C'est pas que je suis snob, mais... je me reconnais pas totalement dans ce terme-là, ça me c'est pas exactement ma philosophie. Tu es fasciste, c'est normal. Oui, fasciste c'est déjà plus. J'ai toujours beaucoup aimé le mot nationaliste aussi, je me suis toujours plutôt reconnu là-dedans. Mais peu importe, jouons pas sur les termes. C'est l'apathie de l'extrême droite en France qui me paraît pas du tout surprenante. Parce que, vous voyez, regardez comme Mélenchon est politique. Regardez comme la gauche est politique. Les gens de gauche, ce sont des révolutionnaires. Et ça, je le reconnais. Ils ont un ADN révolutionnaire. Souvent pour le pire. Pratiquement à chaque fois pour le pire. Mais ils veulent bouleverser l'état de choses existant. La droite se contente constamment de réagir au stimulus envoyé par la gauche révolutionnaire. Et donc... Ce qui s'est passé, c'est ça. C'est-à-dire que, ok, on est au deuxième tour, 42%, formidable. Voilà, terminé. On respecte les institutions, on va en vacances. La gauche s'arrête pas là. Eux, ils s'en foutent. Eux, ils veulent changer complètement l'ordre des choses. Donc, ils continuent, ils disent troisième tour. Mélenchon, Premier ministre. Ils lancent les trucs. C'est-à-dire qu'ils se relancent dans la bataille. Ils s'arrêtent pas. Ils réorganisent les trucs. Oui, cette effervescence révolutionnaire propre à la gauche, je pense qu'il faut quand même la regarder telle qu'elle est. À droite, il n'y a pas cette culture-là. Il y a une culture de réaction, une culture bourgeoise, une culture attentiste. Vous voyez, on regarde comment ça se passe. On commente, éventuellement. Ça m'a toujours fortement déplu. Et je crois que ce qui distingue fondamentalement, d'ailleurs... c'est pour ça que je ne suis pas un gars de droite, d'ailleurs. À cause de ça. C'est-à-dire que je pense que les fascistes, ils ont la dynamique révolutionnaire de la gauche. On a des conceptions fondamentalement, si vous voulez, organiques, comme disait Vincent, mais nous sommes des gens qui avons un élan révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on veut faire des trucs. Les gens de droite, ils regardent. C'est ça. Les gens de droite, ils regardent et ils s'assoient. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est sidérant. Donc, Marine Le Pen fait 42 points. Là, on devrait la voir debout sur des estrades, si vous voulez, normalement. Voilà. Bon, moi, je suis pas un féministe. Bon, je crois pas que les femmes, ce soit leur rôle de sauter sur les estrades. Mais on aurait certainement vu Adolf Hitler debout sur des estrades. Ça, je peux vous le dire. Ou Mussolini. On les aurait debout sur des estrades, haranguant les foules, disant comme fait Mélenchon. Alors, moi, je vous dis un truc. Moi, j'aurais voulu qu'on colle Marine Le Pen à la tête de la gauche et qu'on me foute Mélenchon à la tête de la droite. On aurait eu d'autres résultats. Voyez cette énergie, cette envie, ce besoin. C'est à gauche qu'on le retrouve, vous voyez. Moi, je les regarde, les gens de gauche. Je vais toujours dans leur groupe regarder ce qu'ils disent, vous voyez. C'est toujours pour des trucs utopiques qui n'ont ni queue ni tête. Mais ils ont cette ferveur, quoi, vous voyez. À droite, ça n'existe pas. Oh merde, d'abord, tout le monde est misanthrope, tout le monde est pessimiste, et en plus, personne n'a envie de rien foutre. c'est ça. C'est pas le fascisme, ça. Parce qu'on développe un discours démoralisant. Oh, ils sont forts. Oh là là là là là là. Ils maîtrisent tout. Mais non, justement. Exactement. Soyez révolutionnaires, les gars. Levez-vous et vous verrez. Et il y a un super passage de Drummond dans La fin d'un monde. Il faut le lire. Il dit bien, le révolutionnaire, il ne cherche pas à savoir s'il va gagner ou vaincre ou perdre. Il cherche à créer du mouvement. Et le mouvement peut créer la chose. Exactement. J'apprécie tout particulièrement ce que vient de dire Vincent et ce qu'il dit depuis tout à l'heure, parce que c'est quelque chose auquel, en tant que militant, j'ai pu observer, c'est qu'il y a beaucoup de gens chez nous, ils sont pessimistes. Et on se demande même pourquoi ils sont militants eux-mêmes, pourquoi est-ce qu'ils s'impliquent. Alors que non, tout n'est pas joué. Si tout était déjà joué, je veux dire, dans ce cas, pourquoi l'ennemi s'embêterait à agir comme il agit. Je veux dire, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais justement, c'est vu ce que tu nous disais, Gandalf, c'est ça. C'est vrai que à droite, il y a ce côté attentiste. On attend le Messie. On attend le roi. On attend le Messie. Ouais, mais quand on il attend arrive, quelqu'un. On lui crache dessus, tu vois. Parce que c'est ça qui arrive à Jésus quand même. Il arrive, on lui jette des caillasses et on le fout sur une croix, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Il y a cette espèce de snobisme, mais je ne sais pas si c'est un snobisme, peut-être que mon analyse est fausse, mais de dire le monde est un chaudron bouillonnant, tout est foutu. Mais moi, je vais vous donner la perspective. Vous voulez la perspective? Je vais vous donner la perspective. Allez, regardez. L'État d'Israël, c'est un timbre-poste, c'est même pas un État d'ailleurs. C'est un État parce que certaines puissances financières veulent bien que ça en soit. Hein. Bon, ils ont même pas. C'est pas les génies israéliens qui se sont donné l'arme nucléaire. Hein. C'est les Français qui leur ont donné gratuitement. Les socialistes français d'ailleurs. Bon, ce qui a. Vous méditerez là-dessus. Mais n'empêche que le petit timbre-poste, là, il fait 6 millions d'habitants, je crois. Mais il faut y ajouter les Arabes, mais bon, on prend que les Juifs, 6 millions d'habitants. Bien. Ils sont là sur une espèce de bord de plage, là, au milieu du Proche-Orient. Bien. Mais regardez le monde blanc. Associer l'Europe géographique actuelle à la Russie. Parce que vous savez que je suis un grand partisan de l'alliance euro-russe. Regardez l'immensité face à nous. C'est gigantesque. On a une profondeur stratégique dont on ne peut même pas rêver. Je ne parle pas de tout ce qu'on peut avoir par ailleurs dans nos coopérations possibles. Donc, ce n'est pas la question de l'espace. C'est pas la question des hommes. Les hommes, quoi qu'on en pense, si 6 millions de juifs arrivent à s'accrocher sur un bord de plage en Méditerranée face à un océan islamique, alors certes avec l'appui étranger, mais s'ils y arrivent, des centaines de millions d'Européens peuvent certainement faire quelque chose aussi de leur destinée. Donc quand on voit les choses en perspective, nous avons d'énormes perspectives face à nous. Simplement, il faut que notre état d'esprit collectif en Europe change totalement. Si on reste engoncé dans nos petites histoires françaises, là, de... Alors, on commande les élections parce que c'est notre boulot. Il faut bien aussi qu'on explique aux gens ce qui se passe au quotidien. Mais il ne faut pas rester engoncé là-dedans. Je veux dire, les histoires électorales, ou en France, ou en Allemagne, ou en Grande-Bretagne, ou même aux États-Unis. Je veux dire, le monde blanc a d'énormes possibilités sous les mains. Simplement, il faut qu'il ait l'état d'esprit qui corresponde à l'époque. Pour se redresser, c'est ça qu'il faut faire vivre. C'est pas sans se foutre de la cendre sur la tête en se disant que tout est foutu. Parce que si on fait ça, on n'arrive jamais à rien. Et même quand le même quand le bateau prend l'eau, dit, oui, vous avez peut-être un vaisseau qui prend l'eau, et peut-être que votre vaisseau il est foutu, mais c'est pas grave, c'est pas la fin de la bataille, pas du tout. Et ça, il faut qu'on le véhicule, quoi. Je veux dire, moi j'ai jamais eu ce virus pessimiste en moi, pas du tout. J'ai jamais été animé par le pessimisme. Tu perds une ville, Bon, mais alors. C'est pas la fin du monde. Genre, la guerre de 30 ans. Prenez les Allemands durant la guerre de 30 ans. Ils ont été pratiquement exterminés et pratiquement plus d'Allemands en Allemagne. Ça paraît aberrant aujourd'hui, quand on sort quelque chose comme ça, les gens, je présume, n'arrivent même pas à le croire. Mais c'est vrai. Au terme de la guerre de 30 ans en Allemagne, il n'y avait pratiquement plus d'Allemands. Ils s'étaient tous entre-exterminés dans des litanies d'horreur absolument effroyables, pour des histoires à dormir debout, d'ailleurs, hein, de transsubstantiation, la présence réelle dans les hosties, croyez-vous ça? Bon, c'est plus compliqué que ça, je vous l'accorde, mais bon. Et l'Allemagne, 3 siècles plus tard, est devenue une énorme puissance. Donc, faut pas s'arrêter à ces histoires négatives qu'on a aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est se focaliser sur des idéaux, des objectifs grands, très, très pratiques, très réalistes, mais grands, et se fixer à ça et poursuivre cet élan. Et moi, je pense qu'on a ça sous la main. Donc, moi, c'est ça qui me désole, d'ailleurs, cette histoire avec la Russie et l'Ukraine, tu vois, qu'on est en train de se... puisqu'ils sont tous en train de se quereller pour les champs de patates en Ukraine, donc personne n'a rien à foutre. Parce que tout le monde s'en foutait il y a un an, donc il n'y a pas de raison qu'on s'en foute encore aujourd'hui. Donc, la grande réalité de notre époque, et c'était vrai du temps d'Hitler, c'est vrai du temps d'aujourd'hui, ça sera vrai au XXIe siècle et au XXIe siècle, c'est est-ce que les Européens vont réussir à créer ce grand espace géopolitique qu'est l'Europe-Russie, ou est-ce qu'on, comme des badauds, on va accepter de disparaître de dénatalité, de vieillissement, de submersion, pendant que nos meilleurs éléments vont s'entregorger sur des histoires de frontières. Tout le monde se fout, enfin, des histoires de frontières. Qui, je veux dire, on contrôle même pas nos villes. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Regardez les autorités françaises qui sont en train de nous dire qu'il faut armer les Ukrainiens, qu'il faut absolument envoyer tout ce qu'il faut envoyer là-bas, parce que vous comprenez, les Russes, ils ont dépassé la frontière, machin, pendant que chez nous, les flics sont pas foutus de faire respecter la loi dans toutes les villes de France, parce que des entités étrangères se sont formées et qu'elles imposent leurs propres lois. Alors, où se situe la véritable frontière ? Être révolutionnaire, c'est accepter de sacrifier sa vie pour une cause qui nous paraît supérieure. C'est ça qui est très très important. C'est de se dire, peu importe la situation, peu importe que j'ai une chance ou pas, l'important c'est de faire, parce qu'il faut le faire. Et si vous permettez, je voudrais lire justement ces 20 lignes de Drummond, parce que dans nos milieux, beaucoup de gens se réclament de Drummond. C'est bien beau, mais il faut l'avoir lu attentivement, et notamment ce qu'il dit sur le révolutionnaire. Donc, il dit « Le propre de l'insurgé, au contraire, est de se lancer dans l'inconnu, de forcer violemment la main à la destinée, par le seul fait de sa volonté, par l'extraordinaire puissance que lui donne le sacrifice qu'il fait d'avance de sa vie, de contraindre la destinée à accoucher. Il est à la merci, évidemment, du hasard, mais il peut aussi être servi étrangement par ce hasard. Il dit, il a des chances de renverser des gens pris à l'improviste et qui ne sont pas sur le même plan d'idées que lui. Il se heurte à des résistances imprévues et très souvent aussi, il rencontre des défaillances incroyables, des affaissements inouïs, des facilités à passer sur lesquelles il n'aurait pas osé compter. Une porte de bronze derrière laquelle il devait y avoir des hommes prêts à se faire tuer jusqu'au dernier, se trouve être une porte de carton, et quand on l'a enfoncée en pressant dessus, on aperçoit un vieux concierge débonnaire qui vous dit « Donnez-vous donc la peine d'entrer !» Et il termine ainsi « L'insurgé, au fond, ne sait jamais ce qui arrivera à la suite de ce qu'il fait, mais ce qu'il sait, c'est qu'il arrivera quelque chose. Il a produit de l'action, et cette action crée des mouvements, des courants, opère des déplacements de situation et des troubles d'être qui seraient restés à l'état latent sans cette secousse. Et c'est ça. C'est ça, être un insurgé. C'est de se dire, je vais agir parce que je dois, et même si moi, je ne vois pas la réussite, je vais opérer des déplacements, je vais faire des choses qui porteront leurs fruits plus tard. Et c'est exactement absolument ce que je fais quand j'édite un bouquin, quand je fais une vidéo. Bien sûr, sur le moment, ça ne change pas grand-chose. Mais je me dis, peut-être que dans 5 ans, 6 ans, quand la situation aura évolué, il y a des gens qui reviendront là-dessus, qui diront « Ah, mais ouais, c'est ça !» Et ça aura porté ses fruits. C'est ça qu'il faut faire. Il faut pas se contenter de se dire « Ah, c'est perdu, de toute façon, ils sont partout, patati. » Mais non, c'est pas comme ça. Si vous dites ça, oui, ben voilà. Voilà, alors vous restez, on reste derrière son écran, on commente, on se lamente, mais ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ah non, il faut pas être trop sévère, mais ça sert beaucoup moins que d'agir concrètement. Et ne jamais se désespérer. Jamais, jamais, jamais. Bien sûr, bien sûr. C'est que le problème en France, c'est que les gens se bornent trop aux échéances électorales, en fait. Oui, bah c'est lié, c'est un peuple démocratisé, hein, donc c'est la culture révolutionnaire. Une fois que c'est perdu, tout le monde baisse les bras et c'est terminé, ils attendent 5 ans et ainsi de suite. C'est ça. Et après, et alors on se bat au moment des élections, ça change rien. Puis au bout d'un moment, moi je vais vous dire, bon maintenant aujourd'hui j'ai plus de 50 ans, j'ai 53 ans, de tous mes camarades de combat de quand j'avais 20 ans, ben, il y en a plus beaucoup hein, qui sont là. Je dirais même que s'il y en a un ou deux encore, c'est bien le maximum. Tous les autres, ils ont abandonné. Parce qu'ils croyaient, ils voulaient, je sais pas. Et puis au bout d'un moment, ils disent, bah, de toute façon, c'est foutu. Alors, il y a soit on rentre dans le rang, tout en gardant toujours des idées un peu nationalistes, mais c'est tout. Soit, alors il y a une autre chose, on se dit, bon ben, on va aller dans un réduit blanc. Oui, mais enfin, bon... un réduit reste d'accord. Un réduit, effectivement. Oui. Mais voilà, le réduit reste un réduit, et ce qui ne progresse pas régresse et puis meurt. Je veux dire, c'est bien beau, toutes ces histoires de survivalisme, de réduit blanc, mais vous allez être vraiment réduit. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai jamais été embarqué dans ces affaires. Hein. Moi, je suis toujours resté dans le monde, au sein du monde, et à militer au sein du monde. J'ai jamais accepté ces trucs de réduit blanc, de ferme, de machin, ou de partir loin à l'est. Non, ça, moi, j'ai toujours dit non. C'est en France que ça se passe. Et comme tu disais, Gandalf, n'attendez pas un messie. N'attendez pas que ça vienne d'ailleurs ou de pouvoir vous barricader dans un réduit. Elle n'est pas là, la solution. La solution, c'est le combat, et tous les jours. Alors messieurs, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine après cette émission très enrichissante. Je crois. À la semaine prochaine. Merci encore de m'avoir invité et je vous dis à la prochaine et je souhaite une bonne soirée à tous les auditeurs. À la semaine prochaine.